Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 52e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré évidemment au film événement sorti cette semaine, Captain America Civil War. Et le moins que l'on puisse dire, vu les premiers échos entre nous, c'est que ce podcast risque d'être le podcast de la division. Je suis Mathieu et vous allez écouter le Civil War. 52e numéro de Sur nos écrans. Et avec moi cette semaine, les quatre fantastiques, je sais pas. Arnaud, salut. Clément, salut. Irish, salut. Et Léo. Hello. Bon, avant de commencer, ça va, tout le monde va bien, on verra après si tout le monde va encore bien, mais a priori, vous êtes plutôt en forme, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Je parle, là. Prêt à en découdre. On peut dire ça. Alors, il y a un mois, on s'était bien déchaîné, enfin, moi le premier, sur Batman v Superman. Ce sera la seule évocation de Batman v Superman de ma part dans cette émission. Après, je garantis pas pour les autres, mais... Ah bah, moi, comme j'étais pas là, je pourrais très bien... Je pense qu'on en a assez parlé. Ça ne mérite pas, de toute façon, qu'on en parle plus. c'est pas comparable. On va voir ce soir, du coup, ce qu'il en est du troisième film de super-héros de l'année, parce qu'on avait quand même eu Deadpool avant, qui avait plutôt bien ouvert l'année. Donc, on sera plutôt côté Deadpool ou plutôt BVS au niveau de nos avis et de nos notes. Vous allez très très vite le savoir, puisqu'on va commencer par un premier tour de table virtuelle où je vais demander à chacun tout simplement de donner son avis assez rapidement, parce que je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire après et que les débats risquent d'être riches, longs, fatigants et virulents. Et on va commencer par Arnaud. Moi, ça peut être très rapide pour résumer mon avis. C'est un film Marvel et Captain America sympathique, divertissant, mais c'est une très très mauvaise adaptation de Civil War, à la limite de la honte. Et voilà, pour faire simple, sympa mais sans plus, et il y a d'énormes choses qui m'ont fait tiquer. C'est un film sympa, on passe un moment dessus, mais c'est pas Civil War, j'ai pas retrouvé Civil War, il y a des gros défauts dans le film, et non, c'est pas, enfin Civil War, c'est que le nom, quoi. J'ai pas retrouvé Civil War, il y a, non, juste, enfin, très partagé, bof, quoi, juste bof. Bon, pour le moment, le camp du nom a deux défendeurs, défenseurs, bravo. Défenseur, c'est ça se dit. Ça se dit en droit. Défendeur, ça sera sur Netflix. Irish. Bon, déjà, avant, je vais juste te dire, Clément dit War, pas War. Ouais, peut-être mais... qu'il a vu la parodie porno, c'est une War. Donc, je vais peut-être être le seul et peut-être ce sera, enfin, je ne sais pas encore, peut-être le fait que je suis le seul d'entre nous tous à pas avoir lu la BD Civil War. Mais pour moi, c'est un pur moment. J'ai adoré le film. Les 2 heures, ça passe super bien. Je trouve que les enjeux sont vraiment palpables pour moi. J'arrive à comprendre pourquoi il y a un camp. Ah oui, on va en parler. Parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux, c'est bien écrit. Ah bon, le camp, les raisons de la scission, j'arrive à les comprendre, j'arrive à les cerner. J'arrive à être lent pour comprendre pourquoi Captain America est d'accord, est contre, pourquoi Tony est pour. Ensuite, quoi d'autre? Bah, de toute façon, on va développer pendant le podcast, mais au final, moi, je suis très satisfait. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont super bien introduits, chaque perso est bien, quand même une exploitation assez bien, même les personnages secondaires. On ne parle pas de Wonder Woman de BVS. Donc, voilà. Pour moi, c'est un très bon, très très bon divertissement et un très bon film. Et toi, Léo, qui vient tout juste de rentrer de la... Voilà, j'allais le dire. Donc, il va falloir que je fasse gaffe à ma subjectivité immédiate. Mais pendant le film, et de toute façon à la fin, en y pensant, j'ai pas passé un mauvais moment. Les 2h28, honnêtement, j'y ai pas fait gaffe. C'était plutôt... enfin. Voilà, moi j'adore la BD Civil War, je l'ai relu avant de voir le film. Je savais que qu'on allait. Je savais que ce serait pas la même chose. Mais ce qu'ils ont fait du concept et de l'essence un petit peu qu'est Civil War, et donc ils ont voulu faire un truc tellement énorme et le rattacher un peu à Captain America 2 et au Soldat de l'Hiver, tout ça, il y avait des bonnes choses qui en ont sailli, des trucs vraiment pas mal, mais honnêtement, j'ai trouvé que le film manquait un peu de structure, manquait de quelque chose qui... Voilà, qui soit un peu plus liant. Après, bon, j'ai pas détesté le film. Il y avait vraiment des plans jouissifs, des séquences vraiment cool. Donc c'est un bon divertissement, mais il manque des choses sur la forme comme sur le fond. Donc je suis un petit peu mitigé, mais enfin, vraiment entre les deux, entre Irish et Clément, à vrai dire. Ah, on a de la chance. J'espère faire basculer. C'est la position équilibriste. D'accord. Bah, j'espère te faire basculer de mon côté, du coup. Mm-hmm. Bon, bah, je suis désolé. Je sais. Comment dire ? Il y a plusieurs choses dont je commence à avoir franchement marre. Hein, c'est de sortir du cinéma plus en colère que content du film que j'ai vu. J'en ai un peu marre qu'on se foute de ma gueule aussi. Mais là, je suis sorti du film avec un sourire jusqu'aux oreilles. Oh, quel enfoiré. Oh, oui. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Globalement, j'ai beaucoup aimé. Les nouveaux personnages volent le film et c'est plutôt incroyable. Je suis amoureux de ce Spider-Man comme pas possible. Voilà, il y a beaucoup de défauts. J'ai vu tous les défauts. Tous les défauts, je les ai vus. Ils sont quelque part dans mon esprit. Mais ça a tellement parlé au petit garçon qui est en moi ou j'en sais rien que j'étais super content à la fin de ce film là et pari réussi pour moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec Clément on a réagi avec surprise, enfin tout le monde, c'est que depuis que tu l'as vu hier, tu nous as fait croire que tu avais détesté. Non, mais c'est incroyable. Bon, après, moi, j'ai juste, est-ce que c'est full spoiler, là, ou c'est... Alors, ça sera évidemment full spoiler, et juste, oui, je vous ai fait croire ça, parce qu'après tout, vu que j'ai découvert qu'on faisait des paris dans mon dos sur il va aimer, il va pas aimer, je me suis dit, allez, on va aller un petit peu dans leur sens, on va jouer un petit peu. Je dois dire que je le savais, parce que Mathieu a tellement défoncé le truc que moi, j'étais le dernier à pas avoir vu, et du coup, Mathieu est venu me voir et me dire, je joue leur jeu, mais en fait, j'ai bien aimé. je voulais pas qu'ils partent en se disant je vais voir une merde avec tout ce que j'ai dit et machin, et voilà, j'avais zappé qu'il l'avait pas vu, voilà, je voulais pas qu'il parte avec des a priori, donc je lui ai dit qu'en fait j'avais bien aimé. Bande de salopards. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est au niveau des conséquences sur la fin, où ça se termine un peu en tout va bien, tout s'est bien passé, et on aurait pu nous laisser un petit peu sur un peu du négatif sur l'équipe en lambeaux et reconstruire au début des prochains films. Mais le fait que tout rentre dans l'ordre, tout s'imbrique bien, qu'il n'y ait pas de mort, que le seul qui ait eu, qui à un moment on a vraiment cru qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose, mais au final, bah non, c'est pas grave, t'as ton pote qui est l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, il va te créer un truc pour t'aider à marcher. Donc c'est juste le seul regret que j'ai pu avoir par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, c'est juste super. Et si je pouvais revenir sur un petit élément, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que pour moi les enjeux sont plus palpables et je comprends les raisons de chaque camp que vous avez tilté un peu, Carnot et Clément, mais pour moi, je suis désolé. Quand les accords de Sokovie et que Captain America, qui a connu le SHIELD, qui sait à peu près, on sait aujourd'hui comment ça marche, les accords de Sokovie, c'est qu'on leur dit pas seulement que vous ne pouvez pas attaquer n'importe comment, comme vous voulez, non, c'est on vous dira quand il faut aller et où il faut aller. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait comment ça marche, les intérêts dans un monde, les décideurs qui décident les guerres. Si demain, je ne sais pas, ils se rendent compte que on pense par exemple à ce qui s'est passé avec le génocide du Rwanda, avec les Nations Unies qui n'ont rien fait. Si par exemple, eux, ils décident qu'ils doivent y aller, les Nations Unies disent non, vous n'y allez pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, c'est un peu abandonner leur liberté. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas non plus aller à tout va, partir n'importe où, faire ce qu'ils veulent, et ne pas avoir à rendre compte à chaque fois. Ouais. Mais ça a très vite disparu pour laisser juste place à une course-poursuite pour avoir Bucky. Moi, ce qui me dérange... L'aspect Civil War autour des accords de Sokovie, tout ça, comme dans les comics où ils se battaient pour une loi, Ça n'a plus aucun intérêt au bout de demi-heure ou trois quarts d'heure de film. C'est ce que j'allais dire avec Arnaud. Je suis d'accord avec toi au début, Ayurich. Hein. Moi, au début, j'aimais bien beaucoup l'aspect accord de Sokovi, tout ce que ça impliquait. Mais ce que je reproche vraiment à l'écriture du film, c'est qu'ils sont vraiment pas allés au bout de leur idée. J'ai vraiment regretté le fait qu'en fait la Civil War, ça soit pas tellement le prétexte des accords de Sokovie qui viennent vraiment apporter cette division-là. Enfin, il y a une division par ça, mais pas seulement. Et moi, ce que je reproche, c'est que le scénario a donné beaucoup trop d'importance à toute l'histoire de Captain America avec Bucky. Et ouais, moi, c'est un film Captain America. Mais tu n'as jamais ok. Je suis d'accord avec toi que c'est un film. Parce que là, tu n'appelles pas ton film Civil War. Non, mais je suis d'accord que c'est un film avec Captain America. Moi, il y a un gros problème au niveau de là, c'est que je pense que le film aurait pu être très bien sans faire toute l'histoire à côté de Bucky. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Il y avait vraiment quelque chose de bien à la base sur les accords de Sokovie et j'ai pas retrouvé cet aspect Civil War, outre le fait que les camps sont divisés. Il y avait vraiment des choses qui me plaisaient beaucoup hein, au début du film, mais je suis comme Arnaud, moi au bout de 30 minutes, 40 minutes, j'ai dit on va se taper une course-poursuite et en fait l'enjeu ça va être Captain America qui va aider Bucky puis c'est tout. Mais c'est aussi l'une des subtilités du film, c'est aussi c'est montre comment pas subtil. Ce que je veux dire c'est que ça montre aussi à quel point l'affect peut prendre le pas sur l'idéologique. J'ai vu ça sur non, je suis pas non, c'est pas tant ça, c'est pas tant mais ça si, mais si mais parce que attends, si tu attends, vois bien mais je c'est pas tant ça que je voulais soulever Clément et je me retrouve un peu dans ce qu'il dit, c'est que très vite la première demi-heure est vraiment bien en effet, mais très vite du coup après ça on se retrouve à avoir un film qui veut justifier aussi qu'il soit un Captain America, parce que c'est pas juste Civil War, c'est Captain America Civil War, c'est vraiment un espèce de troisième volet, une suite du Winter Soldier, donc le Winter Soldier va être au centre du truc, et du coup l'aspect Civil War qu'on nous a développé, qu'on nous avait notamment avec la femme là qui vient dire mon fils Charlie Spencer mort en Sokovie, tout ça, bon tout ça s'étiole un peu au profit en effet de l'histoire du Winter Soldier, et du coup t'as l'impression que ils ont pris Civil War, donc du coup ça a attiré les gens parce que voilà c'est quand même un truc assez énorme, mais que voilà ils ont transféré l'essence à un espèce de conflit d'intérêts qui est au-delà de l'idéologie, et du coup comme ça devient vraiment un tel conflit d'intérêts et que tu vois tant de personnages intervenir comme ça, tu te demandes s'ils ont pas le cul entre trois chaises entre un film Marvel, un film Captain America et un film Avengers. C'est ce film Marvel serait enfin donc un film Civil War, un film Avengers, c'est un film Captain America, et du coup parfois c'est vrai que je peux comprendre, c'est peut-être ça ce que tu voulais dire Clément, qu'on se retrouve pas forcément dans le film au milieu de tous ces enjeux, de tous ces trucs. Enfin, Je sens qu'ils ont un cahier des charges Marvel. Oui. C'est à la fois une suite de Captain America, une suite d'Avengers. Ça doit lancer la phase 3 et ils ont du mal. Et en même temps, contenter les lecteurs qui sont attirés par le titre Civil War. Et ils ont du mal à gérer tout ça. Et du coup, on se perd dans ce qu'est le film en lui-même. Alors, mais vous êtes parti sur. Ouais, juste pour rebondir sur Arnaud, le choix du titre Civil War, on est d'accord, c'est voilà, c'est sûrement une connerie. Maintenant qu'on a passé ça, parce que ça évoque trop de choses sur les comics et voilà, et on s'attendait à telle chose et à telle chose et voilà, et au final on n'a pas ce que le titre nous promettait. Ok. Tu parlais Arnaud juste avant de cahier des charges, de clôturer la phase 3, d'inaugurer la phase 2, d'ouvrir la phase 2, etc. Pour moi non. Ce film là, il ferme une page. Il ouvre pas une phase. C'est la fin du passage de Monsieur Perlmutter du côté de Marvel Studios, hein, puisqu'il y a pas maintenant Kevin Feige a les rênes en main. Il n'y a plus de Perlmutter, il n'y a plus de tout ça. C'est la fin aussi d'une ère. C'était voilà la conclusion de quelque chose. Alors peut-être que ça ouvre la phase 3, voilà, à rigueur. Mais pour moi, c'est plus un film pour fermer un chapitre qu'en ouvrir véritablement. Donc c'est pour reprendre ce que vous disiez sur les accords de Sokovie qui sont un enjeu intéressant au début du film. mais ce qu'il y a aussi pas mal là-dessus, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a des au-delà des enjeux idéologiques, il y a beaucoup d'affectifs. Tony Stark, il choisit un camp, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas seulement à cause de la photo, c'est aussi à cause de ce problème, de ces problèmes de relationnel avec Pepper. Captain America, il a choisi son côté, et à un moment, il s'apprête même à signer les accords de Sokovie, mais c'est l'affect qui le fait basculer dans l'autre camp et de s'ancrer au fond dans la décision qu'il a prise au final. Bon, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de choisir un chemin et de se dire, bon, c'est pas finalement le bon, mais quelque chose d'affectif nous décide de faire le choix à notre place, même si on est encore en train de se tâter, on se dit peut-être que. Donc, quand Captain America va sauver son ami, il se lance pour savoir déjà si Bucky est coupable ou pas, où il y a le côté affectif. C'est ça qui crée la scission au final au sein de l'équipe, parce que c'est pas les accords de Sokovie qui créent la scission au sein de l'équipe. Ils sont pas en accord par rapport à ça, parce qu'au final c'est juste un chemin. Tous les deux ils ont le même objectif. Il est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oui, mais c'est pas ça qui crée la scission. C'est pas les accords de Sokovie qui créent la scission au final. Non. Oui, ça se passe encore bien quand on a que c'est l'attentat qui va tout déclencher. On est d'accord. Exactement. Oui, mais il est quand même pas d'accord. Enfin, ils sont quand même pas d'accord de base. Mais bien sûr qu'on peut être nombreux à pas être d'accord, mais c'est pas une raison pour se mettre sur la gueule. Mais au final, ce qui fait qu'ils se mettent sur la gueule, c'est le côté amical, le fait que Captain au départ il veut pas sauver coûte que coûte Bucky, il veut pas sauver coûte que coûte Bucky, mais il tient à comprendre ce qui se passe et ce qui même déjà te fait toi en tant que spectateur basculer dans son camp, parce que bien sûr tu vois ou tu sais que Bucky est innocent, mais tu comprends la connerie de ce gouvernement qui veut, en voulant décider, va par exemple dans ce cas-là obliger Tony Stark à poursuivre sans se poser de questions ou sans enquêter vraiment à fond. Il va pas l'obliger. Comment ça? Bah si, Tony Stark, le but maintenant c'est de ramener Bucky. Non, enfin il l'oblige pas, Tony Stark il fait le choix quand même, hein. C'est pas une obligation, hein. Bon, c'est pas une obligation, mais bon, dès lors qu'il a signé les accords, il lui fait quand même bien comprendre. S'il se met en travers de la route, c'est la prison. Non, mais ok, mais non, c'est. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé la réplique de Black Widow qui parlait de Tony Stark, et moi, c'est exactement ce que je pensais. Black Widow qui balance à Tony Stark, une fois encore, vous réfléchissez qu'avec votre ego. Ah non, ça sert à toute fin. Hein. Oui, mais moi je trouve que ça résume parfaitement, parfaitement le personnage. Je suis pas tellement d'accord quand tu dis qu'ils réagissent par l'affect. Si, Tony Stark, il y a beaucoup d'affect. La femme qui lui pose la photo sur la photo du gosse, si c'est pas de l'affect ça. Il y a même beaucoup plus que ça. Enfin, c'est encore une fois, et ça c'est par contre un truc qui commence un peu à me saouler. C'est encore une fois une histoire de mère. Oui. Surtout à la toute fin. Mais parce là, c'est pas aujourd'hui en 2016 capable d'inventer des histoires de super-héros où il y a autre chose que des histoires de passé et encore des histoires avec leur mère. C'est en permanence ça en ce moment. C'est une fascination pour le complexe d'Oedipe parce que ça passe toujours bien au cinéma et parce que de toute façon ça ferait croire aux gens que n'importe quel film, pour peu qu'il n'ait pas d'âme et qu'il soit même commercial, soit un peu intelligent. Mais bon, il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais pour eux, ça fait partie d'un cahier des charges et d'un petit truc. Ouais, surtout que c'est pas. Enfin, c'est pas. Mais quand même, avouer que c'est quand même un peu plus intelligent que les autres mamans qu'on a eues, par exemple, dans un film de ses parents un peu plus récent. Il y a peut-être un peu plus de finesse. Oui, il y a un peu plus de finesse, bah oui. Mais c'est beaucoup de l'affect, ce film. Au final, c'est beaucoup de l'affect. C'est que ça parle beaucoup de politique et qu'au final, c'est de l'affect. Black Panther, c'est que de l'affect. Il ne pose pas de questions, il ne cherche pas, il ne veut pas savoir, il a juste vu. Et c'est son père, c'est sa personne chère. Et du coup, il ne réfléchit pas, il ne pense pas. Il veut juste se venger. Ah oui, ça, il réfléchit pas. Il veut juste se venger, mais encore une fois, c'est que de l'affect. Tony Stark, à la toute fin, il sait pertinemment que Bucky était manipulé, que c'était pas lui. Mais il a vu les images. Il a vu comment il a fracassé la tête de son père, comment il a étranglé sa mère. Et il se jette quand même, il veut le tuer à tout prix. C'est encore une fois de l'affect. Au final, on est au milieu d'un combat idéologique qui est très important, qui est très intéressant, mais qui est totalement noyé et totalement submergé par l'affect de tous les personnages qui sont autour. Et c'est ça que c'est que super-héros ou pas super-héros, êtres humains, ils sont tous dirigés par une chose, c'est l'affectif au final. Et sur ça, j'ai beaucoup, j'ai, bon, enfin, j'ai, ça reste un parti pris. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Les accords de Sokovi, exactement, ça initie le film, mais c'est pas la raison pour laquelle ils se mettent sur la gueule. Bah, c'est bien ça le problème. Mais pour moi, c'est ça le problème. Mais c'est pour ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on peut être, pas du même avis, on peut être totalement opposé sur les chemins à prendre pour arriver à un même chemin, mais c'est pas ça qui va faire qu'on se tape. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Si le message du film, c'est que si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on se met sur la gueule, c'est un peu con. Mais par contre, quand l'affectif rentre en jeu, là, on peut se mettre sur la gueule. Mais justement, regarde, enfin, ce qui peut être reproché à ce film, et de manière extrêmement légitime, c'est que, en effet, à un moment, quand tu vois que tu t'es engagé pour un film Civil War, que tu te rends compte au bout d'une demi-heure que ça va pas du tout être ça, que ensuite ça embraye sur quelque chose, donc du coup qui fait que t'assumes pas entièrement ton titre, t'assumes pas forcément entièrement ta première demi-heure, et qu'en effet tu sors une bombe pour à la fois séparer cette partie Civil War et séparer cette partie à venir qui est celle de Captain America, pour inclure le Winter Soldier dans l'affaire, pour en effet déclencher toute une bataille qui sera en effet une bataille d'affect, une bataille de gens qui vont vraiment se mettre sur la gueule. Et justement, quitte à ne pas adapter entièrement Civil War, au moins garder une espèce de truc un peu, oui, idéologique, d'intérêt qui soit lié à une conception du super-héroïsme, à une conception de la protection des gens, etc. Là, il y a plus ce genre de conception. Il y a un espèce de nouveau truc qui commence avec Captain America face à Tony Stark, certes, mais c'est plus certainement une Civil War, c'est juste une guerre d'intérêt, un conflit d'intérêt. C'est une guerre d'intérêt. Qui a raison ou pas sur Bucky. Et donc, finalement, tout ça revient à une espèce de course entre le chat et la souris pour savoir, pour voir à quel point ils vont se mettre sur la gueule. Tu vois, t'as un coup Iron Man qui était convaincu. Attends deux secondes. Iron Man qui était convaincu qu'il avait raison, puis finalement qu'il a pas tant raison, et on te sort qu'il avait pas tort. Enfin, ça part un peu partout. Tout le monde se met sur la gueule. Ça fait suite de Captain America avec un Iron Man en plus pour essayer de plus rehausser le niveau. Et je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est ça ce qu'on peut reprocher à ce film, c'est que en effet il y a beaucoup d'affect et que ça a pris un peu le pas sur autre chose. Et je peux comprendre, parce que je l'ai plus ou moins ressenti comme ça, en tout cas en partie, que t'aies un petit peu une certaine frustration au niveau du message de l'essence du film, quoi. Surtout après, tu vois, en plus les batailles qu'on te montre entre tout le monde là, entre Black Panther, Ant-Man, tout ça, tout le monde qui se met en regard, c'est... Je sais pas, on aurait dit que parfois le film n'arrivait pas non plus complètement à s'assumer, il lançait des idées, puis il laissait, et il repartait sur autre chose, enfin, je sais pas, ça manquait peut-être un petit peu de liant, je pense. Ouais, non, j'étais d'accord avec, je suis d'accord avec Léo, pour moi, enfin, on l'a dit, hein, pour moi, le film ne méritait clairement pas le titre de Civil War. Ça, c'est clair et net. Et je suis d'accord encore plus avec Léo quand il dit que le film ne s'assume pas. Moi, ce que je reproche beaucoup à ce film-là, c'est de ne pas être allé au bout de son idée. Et justement, effectivement, Irish, tu disais que le film repose beaucoup sur l'affect. C'est vrai, ça repose beaucoup sur l'affect. Maintenant, moi, ce qui me dérange justement, c'est que ça repose beaucoup trop sur l'affect. Quand on parle de Civil War, si on se passe sur le support d'origine, Civil War, c'est avant tout une guerre idéologique, une guerre politique. Il y a tout un aspect politique. Moi, je trouverais bête que des super-héros s'entretuent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur... Bah, c'est le propos de Civil War. Mais je ne dis pas non, mais dans ce film-là, si les deux se tapent sur la gueule parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les accords de Sokovie, moi, je trouverais ça un peu bête. Je trouverais ça un peu... Et justement, c'est le propos même de Civil War et de ce qu'a fait Mylar dans... Et c'est pas la même chose, parce que si vous voyez dans la bande dessinée, c'est même pas déjà le même postulat de départ. Donc, bah, si, il y a quand même l'idée de base. On a une idée de base, t'as un élément déclencheur qui amène un texte de loi qui vient diviser la communauté super-héroïque. C'est pas exactement pareil. Il me semble, je suis d'accord, il y a un point qui vient diviser la communauté super-héroïque, mais c'est pas le même, il me semble, dans la bande. C'est une opération de super-héroïque. C'est une opération qui tourne mal. Ce qu'on leur demande. Est-ce que tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? Ce qu'on leur demande, c'est pas la même chose. Même effectivement, si factuellement, c'est pas la même chose, il n'empêche que Civil War, dans le dans l'idée même du comic, c'est avant tout une guerre idéologique et une guerre politique, qui à mon sens l'affect est quand même assez restreint, parce que c'est vraiment deux visions finalement du monde super-héroïque qui s'opposent. Et là, moi, ce que je reproche à ce film, c'est qu'on lance cette idée de là de base, car c'est bien là, avec les accords de Sokovie, c'est bien là deux visions idéologiques de comment agir en tant que super-héros qui s'opposent. Et moi, ce que je reproche, c'est que on va pas aller jusqu'au bout, qu'on va poser l'idée des accords de Sokovie et qu'ensuite on va poser limite, moi j'ai trouvé ça trop bref et amené sans réelle subtilité. Et bah finalement l'élément réellement déclencheur de la Civil War, ça va être toute l'histoire autour de Bucky. Et ça me dérange parce que ça fait perdre tout son sens à Civil War. Et finalement je trouve que les accords de Kosovo, tous les enjeux des accords de Kosovo, de Sokovie, de Sokovie pardon, ça devient considérablement amoindri. Et moi, pour moi, le film à côté de là passe à côté de son sujet. Et je considère qu'on aurait très bien pu avoir un excellent film Civil War, à mon sens, hein, c'est, enfin, forcément vous avez compris ce que je pense de ce film, un excellent film Civil War sans forcément mettre la dose d'affect, moi, totalement pas d'accord. Oui, bah. Je reviens pas là-dessus, de toute façon, donc on va avancer un peu. On va effectivement passer au casting et aux personnages, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par celui qui donne son titre au film quand même, Captain America, Chris Evans, que j'ai envie de dire génial. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, il est impeccable. Ouais, c'est vrai. T'as vraiment cette sensation d'implication, mais tu vraiment. Mais tu le sens qu'il aime le personnage, tu sens qu'il est impliqué. Et franchement, je verrais personne à sa place. Il, honnêtement, rien à redire, quoi. Il me lasse pas, et je trouve que c'est même l'un des meilleurs acteurs du MCU pour moi, clairement. Oui, il est bien, Chris Evans. Enfin, il est déjà à l'aise. Ça fait quoi, combien de films maintenant? 5 films peut-être qu'il est dans, ouais. Qu'il est dans tout ça et il se démerde bien. Hein, franchement, ouais, non. Rien. Il réussit quand même un cas de force. Il réussit quand même quelque chose de génial parce que je pense qu'on serait tous au début du MCU. On sont nombreux à pas être vraiment des gros fans de Captain America ou ouais. Bon. À être à dire ouais bof, mais plus ça avance, plus il prend de l'emploi et plus on l'aime de plus en plus. Il est vraiment le côté emblématique capitaine d'ailleurs de l'équipe, comme tu vois parfois dans certains films ou bandes dessinées, ou vraiment le chef de la bande. Et ça on le voit vraiment dans Chris Evans, contrairement à par exemple Robert Downey Jr., où je trouve que c'est le personnage qui colle vraiment à la peau de Downey Jr. Bah moi j'ai l'impression que Chris Evans, c'est lui qui a réussi mais totalement à coller au personnage de Captain America, ce qui fait qu'aujourd'hui les deux sont totalement indissociables. Alors bah ta transition est toute faite pour parler de Robert Downey Jr. en Iron Man. Grosse surprise. Moi je le supporte plus. Honnêtement, je le supporte plus. Moi j'ai été séduit parce que là il est à l'opposé de ce qu'il nous a proposé sa prestation de cabotin là dans Age of Ultron qui m'avait saoulé. Pareil dans Iron Man 3, je l'avais détesté, et là il revient sur un truc plus posé, plus peut-être plus réfléchi, plus froid, je sais pas, mais il y a quelque chose là dans ce qu'il a proposé qui m'a beaucoup plus plu que dans ce qu'on a pu voir récemment, et j'avais l'impression d'avoir un Tony Stark changé, ouais. Peut-être aussi parler ce qui se passe avec Pepper, mais moi je l'ai aimé là. Je suis d'accord avec toi. Après je dis moi je le supporte plus, c'est peut-être que le personnage, j'ai jamais trop accroché au personnage et que je suis pas très fan et que je commence à faire une overdose du personnage de Tony Stark. Je suis peut-être pas super objectif. Après je suis d'accord avec toi, clairement c'est vrai que je dirais bien que c'est depuis Iron Man 1 que j'avais pas vu un Tony Stark aussi peut-être effacé ou assez sombre et pas aussi extravagant que dans les autres films. Là je te le reçois, j'avais un peu trop le sentiment, et c'est vrai que j'ai pas eu trop cette impression là dans le 1, 2, 3 Avengers Robert Downey Jr. fait du Robert Downey Jr. alors que là il m'a donné un peu moins cette impression. Il est moins, enfin le personnage paraît moins égocentrique, ouais. Il essaie moins d'attirer l'attention sur lui à chaque scène alors qu'il n'est pas forcément au centre de la scène, alors que dans Age of Ultron on avait cette impression là où il essaye de vraiment d'accaparer toute l'attention alors qu'il n'était pas le plus important dans telle scène, et là il est peut-être plus en retrait. Ou en tout cas, il est dans une forme un peu moins égocentrique, un peu plus peut-être ouvert sur le monde, en tout cas conscient de changements qu'il doit apporter. Mieux écrit. Et, Hein ? Mieux écrit aussi. Oui. Ouais. Oui, mais il y a quelque chose d'important aussi qui est passé par là, c'est qu'il a créé Ultron qui a failli détruire la Terre. Donc là, tu sens que... Ça lui a fait comprendre des choses. Voilà, donc il y a une sorte de... Ça l'a ramené un peu sur Terre, hein, il a compris un peu de sa place. Et j'aime bien aussi la façon dont il joue avec son caractère dans le film, quand par exemple Black Widow qui lui dit bah, t'es anormalement silencieux, alors qu'on parle de quelque chose, d'habitude tu laisses pas parler les autres. Et puis même, je l'ai trouvé qu'il était moins dans, il faisait beaucoup moins l'humour que ouais. d'habitude, vraiment, à part ses blagues sur, ses commentaires sur, sur, comment, sur les traits sexy de Tante May. Il est beaucoup moins dans un humour graveleux ouais, et lourdeux comme il pouvait avoir avant. À part ce passage avec Tante May, il est moins là-dedans dans le reste du film. Et ça change grandement du reste et ça convient mieux peut-être au personnage dans son évolution. Bah oui. Moi, le personnage et l'acteur sont plus au service du film que de lui-même. Et ce passage avec Tante May, il est important parce que là, pour le coup, c'est nous qui parlons à travers lui. Parce qu'effectivement, quand on découvre lui aussi Tante May, il faut briser le quatrième mur. Là. C'est Marvel lui-même qui commente le casting. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais au final, bon, j'allais le dire, mais il me semble, ça a déjà été annoncé, il sera avec Spider-Man dans son film. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Robert Downey Jr., a un petit peu montré qu'il savait jouer autre chose que le cabotin absolu, la vanne facile, le je sors une vanne et tout de suite j'attire les projecteurs sur moi, ce qui était en effet le cas dans Ultron parce que il arrêtait pas de rappeler que c'était lui qui était limite à la base de ça et du coup bah voilà en plus il appelle toutes ses armures également dans Ultron, mais surtout là aussi c'est limite un autre truc que le film a pas développé alors qu'il aurait pu, c'est tout ce que Tony Stark fait au service de son idéologie, pas uniquement, enfin l'espèce de rencontre entre son ego un petit peu déchu et ses nouvelles convictions par rapport aux accords de Sokovie, etc. Et ça, Robert Downey Jr. a bien su le saisir, il a bien montré, enfin surtout sur la fin, il était comme a dit Mathieu, ouais, j'étais vachement séduit parce que sur la fin, il déclamait des trucs et enfin des choses qui étaient limite inhabituelles, pas que pour Robert Downey Jr. mais aussi pour Tony Stark et tout de suite t'as vu enfin quelque chose de plus chez Tony Stark, quelque chose de plus voilà, enfin de plus un peu plus tragique, plus pathétique et tout, enfin et la façon dont Robert Downey Jr. jouait le tragique comme ça était assez surprenant après avoir vu quoi 5 films là encore avec lui. Donc bon et si on doit le revoir en plus encore dans Spider-Man puis encore dans deux autres Avengers voire dans Iron Man 4 parce qu'il aurait dit finalement que voilà, bah c'est pas mal de savoir que il pourrait faire un peu plus que ce qu'on l'a vu faire depuis le début. Mais quand tu dis par exemple que je sais pas, il pourrait un peu par rapport à ce qu'il a fait, les conséquences, mais au tout début du film, c'est quasiment ce qu'il fait quand il essaie de quand il file une bourse à tous les étudiants, mais tu sens qu'il est dans une envie de racheter toutes ses fautes ou en gros vouloir faire oublier ce qui s'est passé avec Ultron. Mais justement, là, là, il est plus, enfin, tu sens qu'il a évolué entre les deux films. Tu sens que c'est pas juste un mec qui a fait. Non, il a pas évolué. J'ai fait une connerie. Je vais repartir et je vais m'engager complètement. Là, il y a vraiment, il intègre une espèce de dimension tragique. Et ça le rend nettement plus intéressant, voire presque touchant. En effet, comme t'as dit, la scène où Scarlett Johansson lui dit, mais alors on t'entend pas, alors que d'habitude tu l'ouvres tout le temps, et il dit, mon choix est déjà fait, je parle moins, je réfléchis plus. Et il voit lui-même, et c'est vraiment, il y a un petit peu du Tony Stark du comic Civil War, dans le sens où il voit un peu, quelle galère ça peut être, cette organisation de héros qui bute des civils, etc. Enfin, il y avait vraiment quelque chose en plus, c'est quelque chose un peu de comique, c'est ça aussi, ils auraient pu un peu plus l'accentuer plutôt que justement encore ressortir un truc avec une mère et sortir chez Robert Downey Jr. Exacerber son tragique à une espèce de réaction pulsionnelle quoi. C'est un peu dommage parce qu'il était vraiment séduisant dans ce genre de truc, oui c'est sûr. On va continuer à avancer là pour pas. Alors, on va continuer sur les personnages, peut-être une autre révélation, enfin pour moi vous allez me dire si c'est pareil, Black Widow. Oui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, enfin intéressant. Elle aussi, pareil que Robert Downey Jr. Hein, beaucoup mieux écrit, beaucoup plus... Non, franchement, ça a été... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était une grosse surprise, je m'attendais pas à ça. Ouais, enfin, il fallait surtout de la figuration. Ah non, Ouais, dès le mais. départ, Ouais, c'est pas dans les possible. premières scènes et tout, elle est Non, hyper. elle est elle présente au renvoie. début, mais après, elle disparaît. Ah, je suis Non, enfin, pas. elle a un rôle quand même un peu central parce que au final, Oui, c'est parce peut-être elle change de camp, enfin. qui Non, finalement pas du change tout, de camp. pour le coup, C'est la non. seule qui, encore une fois, ça va faire hurler Clément, mais encore une fois, elle change pas vraiment de camp puisque son Non, idéologie reste la même. elle vient juste C'est en aide à un l'affect ami. qui prend encore une fois le pas sur son si son si son Oui. si c'est si son Bah là, pour le idéologie. coup, il y a clairement une motivation affective quand elle laisse partir Cap, ça c'est évident. Ah oui, Oui. non mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle croit, puisqu'elle le dit même, elle croit toujours que ce qu'elle fait est juste, mais voilà, mais elle aime Steve et bon voilà, Parce qu'elle lui vas-y. dit, je vous ai dit que je vous aiderais à arrêter Bucky, mais pas Captain America. Non, mais lui, quand Captain America lui demande pourquoi elle fait ça, Oui, lui non, mais demande après, si tu quand on lui connais. demande des comptes. Oui, si. Non, mais oui, elle, dans les chaînes d'action, toujours, elle est toujours, il y a toujours le côté badass. Ça va peut-être déplaire à Clément, mais j'aime toujours autant l'avoir. À Clément, pardon, à Arnaud plutôt. Mais ça fait toujours plaisir de l'avoir se battre. Moi, j'ai toujours bien aimé le personnage, hein. C'est Mathieu qui détestait avant. Ah, d'accord, Oui, pardon. parce que t'es hyper mal écrite, parce qu'elle Oui, servait je suis pas à grand-chose, d'accord. que c'était plus une potiche et une caution féminine qu'autre chose. Là, c'est un vrai personnage Ouais. écrit, plutôt bien interprété en plus. Enfin, c'est ça aussi qui m'a étonné, c'est de voir Scarlett Johansson un minimum dedans et plutôt impliquée dans ce qu'elle faisait. Et, enfin, contrairement à d'habitude, j'avais l'impression qu'elle y croyait un peu. Et ces scènes d'action sont hyper efficaces. Ouais, elles sont très bien. Ouais, Ses répliques c'est sont clair. assez percutantes en plus. Elle fait deux, trois blagues un peu méta qui sont quand même assez sympas. Donc, Bah, non, moi peut-être j'ai sauf été. celle avec Clint, j'aime pas son interaction avec Clint. Mais OK, il Non, sert mais à en Clint, il sert à rien. rien, il Non, est mais c'est insupportable, moi, il me Mais je sais saoule. pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ce moment-là. Mais juste pour finir avec Scarlett, mais il y a justement une scène quand tu dis qu'elle, je trouve qu'elle joue juste, mais par exemple, juste après que Black Panther ait perdu son père et qu'il est assis sur le banc, il y a ce petit moment où elle vient s'asseoir pour essayer de lui parler et tu sens, et j'arrive à ressentir toute la gêne ou toute la difficulté qu'elle peut avoir pour s'approcher ou pour essayer de lui parler, tu sens qu'elle est vraiment inconfortable. Moi, j'étais gêné pour elle sur cette scène-là, mais après, Bah, c'est là, pas lui parce que. pour le coup, cette scène-là, je trouve qu'elle est mauvaise. Ah, je sais pas, Mais moi j'ai trouvé sur juste. celle juste avant, quand elle le rencontre, par contre, là, j'ai trouvé. Oui, très Ah oui. bien cette scène-là. Les petits nouveaux, Ouais. Oh, Hein, parce oui. qu'on va quand même, voilà. T'Challa, Black Panther, Chadwick Boseman, première Génial. apparition dans l'MCU. Extraordinaire. Génial. Son introduction, j'ai trouvé son introduction super efficace. Je connais, c'est pas du tout le personnage. Moi Et non plus. honnêtement, c'est certainement l'un des persos que j'ai. Pour lequel j'ai accroché, j'ai trouvé l'acteur très bon et franchement j'ai envie d'en savoir plus sur le personnage. Je trouve que c'est une vraie réussite. Il est très Une bien question, vous introduit. l'avez vu en français ou en VO? VO. VO. Français. Français, tu l'as vu en français? Oui. En VO, il a un putain d'accent Dégueulasse. luxuriant. Mais tu dis n'importe quoi, toi. Mais Et je il pense que change c'est. d'accent d'une scène à une autre. Hein. T'es sérieux? Force un peu l'accent, oui, c'était peut-être pas nécessaire Oui, d'ailleurs. C'est ça qui me bah, gêne. peut-être Franchement, pas nécessaire il force un l'accent. peu. Chadwick Boseman, du coup, voilà, vous étiez plutôt tous plutôt convaincus, si j'ai bien Ouais. compris. Oui. Bah, si en plus il lui ajoute un bon contexte, une bonne atmosphère autour Oui. pendant le film Black Panther, ça va être super C'est bien. ça que j'ai peur, parce que tu vois, la politique qu'il y a dans Civil War, comment ils l'ont éjecté en une demi-heure, Oui, c'est le j'étais problème. peur d'un film sur un Afro-Américain par un Afro-Américain, surtout dans l'Amérique actuelle. J'ai peur qu'ils aient peut-être un peu peur eux-mêmes de se placer politiquement. Je sais Oui. pas, Pour rester un mais. petit peu politiquement correct et tous les publics, Il et y a du j'ai un peu potentiel, peur. quelque part, Il y a du mais. potentiel, mais j'ai un peu peur. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que je suis d'accord Après, avec on toi. verra, on ne sait pas, c'est dans 2 ans. Pour moi, il y a du potentiel dans le film, effectivement, il y a du potentiel dans le personnage. Oui, Après, oui. l'acteur, on l'a quand même pas beaucoup vu en tant que T'Challa. On l'a surtout vu masqué, et d'ailleurs, du coup, c'était pas lui, la plupart du temps, c'était même du numérique. J'ai encore un peu de mal à me dire qu'il a vraiment la stature pour porter le costume et que voilà. Bah, il le porte Il a, il a bien. quelques, il a quelques passages que j'ai trouvé plutôt bons, etc. Après, sur le reste, c'est plutôt un j'attends de voir qu'un oui, effectivement, il m'a plu, quoi. Il est encore un peu. J'aime bien T'Challa ou plutôt Black Panther, puisque effectivement on voit plus le super-héros que le roi. C'est que c'est pas l'humour facile comme d'autres personnages, Oui, type mais il n'a pas Ant-Man qui d'humour. était encore insupportable. Mais il n'a pas Et c'est. d'humour. Bah lui, justement, c'est ça qui est Tant bien mieux. aussi, il sait pas Oui, mais du l'humour. coup. Et ça contrebalance certains personnages comme Ant-Man qui était insupportable. Du coup, on n'en a pas parlé, mais le ton du film avec ces blagues inopportunes qui arrivent n'importe quand. Ça juste après le casting et le personnage, si tu veux bien. Donc on en parlera après, mais c'est pour ça que j'ai aussi aimé le personnage, c'est que il est pas dans cette mouvance. Mais en même temps, c'est pas la même chose. Et non, mais c'est bien, ça a changé justement d'autres roi, personnages. Tu comprends un roi, un prince héritier, un voleur à la petite semelle, entre parenthèses, qui était Ant-Man. Donc tu peux pas attendre le même comportement des deux. Donc, non, mais t'as dit que j'attendais le même comportement, mais je dis que ça faisait du bien dans ce film. Dans le MCU, j'aurais pas été choqué que ça soit un guignol. Hein. Là, plutôt, je suis plutôt du coup pour le tout content qu'on ait un peu autre chose. Effectivement. Oui, ça change. Ça change dans les interactions et de ce qu'on peut s'attendre, peut-être pour Black Panther, pour le film lui-même. Allez, parlons d'un autre petit nouveau que j'ai adoré, Ant-Man. Ou Giant-Man. J'ai trouvé sa présence hyper rafraîchissante, hyper intéressante. Il y a plein de clins d'œil en plus spéciaux, comic book, grâce à lui, qui sont plutôt super sympas. Et moi, je l'ai franchement aimé, là. Ouais, moi aussi. Je suis insupportable dans son film. Là, il s'intègre un petit peu plus parce que il était en plus au milieu de tous les, enfin ça va pas être négatif hein, quand je le dis, mais au milieu de tous les guignols, tu vois, qui l'entourent, qui font tous des vannes à tout va. Oui, voilà. Ça amoindrissait un petit peu ses apparitions. Après, cela dit, il est tellement, il a quelque chose d'assez épique dans ses scènes de combat. Il y participe à fond. Il est un peu décisif. Il est pas là pour faire de la figuration. Donc bon, même s'il a fait une apparition comme ça, il est quand même cool à voir, quoi. C'est pas. Non, je suis. Après, sa scène dans le costume, dans l'armure d'Iron Man, oui, son passage en Giant Man, incroyable. Non, ça c'était. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas très fan. Du moment qu'il ferme sa gueule, en fait. Oh. Non, mais moi, je suis pas très fan du personnage d'Ant-Man, loin de là. Le film, je l'ai vraiment pas trop ému. Je l'ai toujours pas revu. J'ai pas envie de le revoir. Je serais pas aussi catégorique qu'Arnaud. Moi, ça dépendait juste des scènes. Après, je suis d'accord que moi, j'ai beaucoup aimé les scènes d'action avec lui. Il apportait quelque chose. La scène dans l'armure d'Iron Man et tout, franchement, c'était cool. J'ai beaucoup aimé quand il était en mode Giant Man. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Maintenant, ouais, il a apporté une source rafraîchissante. Non, mais c'est surtout, voilà, Ant-Man, on l'a vu dans un film. Et puis c'est bien de le voir à côté de nouveaux personnages, quoi. Enfin, j'étais content de le retrouver avec Falcon parce qu'ils ont déjà interagi ensemble. Oui. Il fonctionnait bien dans le trio avec Bucky et même dans le Quatuor, si on le rajoute Captain America, notamment la voiture, etc. Enfin voilà, je trouve qu'il fonctionne bien. Oui, et puis, puis honnêtement, j'aime beaucoup Paul Rudd. Mais le petit rafraîchissement que tu disais, parce qu'au final, c'est à l'un des. Ils sont deux, ou peut-être deux et demi, à être là, sans savoir vraiment pourquoi ils sont là. Ah oui, non, mais je suis d'accord, moi, c'est aussi l'un des reproches, j'en reparlerai, mais c'est l'un des reproches que je fais, c'est au niveau de la motivation des personnages, moi, ça, qui me dérange beaucoup. Mmh. Qui d'autre encore? Bon, bah, Okari, vous en avez déjà dit quelques mots, et puis il était en anecdote. Il sert à rien. Moi, je l'apprécie. Je n'ai aucun. En fait, Okari, c'est un peu le War Machine de la Team Cap, quoi. C'est ça. Ils ont continué un petit peu avec la politique qui a consisté à le rendre un peu plus, entre guillemets, intéressant dans Age of Ultron. Et ils ont continué un petit peu. On va parler de ses gosses et tout ça, mais rien à battre. Du coup, War Machine, pareil. Après, ce qu'on a vu dans le trailer, c'est complètement désamorcé, mais on s'en doutait, c'était évident, ils n'auraient pas montré dans le trailer sinon. Enfin, voilà, il fallait. Il y a un moment où c'était un peu logique qu'ils n'avaient pas nous montré le personnage qui mourrait dans le trailer, hein, surtout que personne ne meurt. Si, il y a Peggy Carter, quel grand moment. C'est vrai, on en parlera peut-être, oui. Et bien Sharon, alors Là, par contre, j'ai des doutes. Enfin, je veux dire, ok. En même temps, elle apparaît 5 minutes en tout. Oui, c'est ça, parce qu'elle apparaît, elle vient, elle dit juste, enfin, elle semble être du côté d'Iron Man, mais être Captain America, lui roule une pelle et se casse, enfin, je veux dire. Et quelle scène où il roule une pelle, c'était une horreur. La voiture, non, moi, mais. Moi, j'étais un peu gêné par ce baiser. Bah, oui, c'est surtout le moment après où il se retrouve. Par le côté malsain, parce que le mec, c'est le grand amour de sa vie, c'est quand même sa tante. Enfin, oui, c'est un peu chiffonné, quoi. C'est complètement immature, il se retourne et t'as les. Deux mecs qui se détestaient, qui sont devenus les meilleurs amis, sont retournés au lycée. Franchement, ça super, tu lui as roulé une pelle. alors qu'ils sont, ils sont tous, ah, ça, ils sont, non. Alors ça, l'équipe des Avengers part à la dérive. Hein. Ils sont recherchés par tout le monde, par le monde entier, et son retour au lycée, tu rappelles, ah, non, cool, moi, hein. Ah ouais, mais ça, c'est quel âge, Arnaud, moi, ça m'a beaucoup ridicule. C'était out of the character, c'était débile. Ah non, justement, c'était pas out of character. Ah non, le mec, il a pas eu de plus de gonzesse depuis. Il a quel âge, Captain America? Il a encore, bah, il a bientôt 100 ans. Hein. Non, mais en réellement, il a été congé pendant des années et il n'a pas embrassé de fille depuis des années. Mais s'il embrasse, c'est tout à fait normal. Même à 30 ans, quand c'est tu seras à la cour, mais pas à ce moment-là du film, je sais pas moi. Non, mais après, mais c'est un moment grave dans le film, un moment grave et sérieux. Et tout ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de lui rouler une pelle. Mais peut-être qu'il ne reviendra pas. C'est la dernière fois qu'il la reviendra. Il l'embrasse. Pourquoi c'est... Moi, honnêtement, cette scène-là, moi, ça m'a pas étonné. Franchement, ça m'a fait rire, quoi. La réaction de Bucky et de Falcon, honnêtement, moi, ça m'a fait mourir de rire. J'ai trouvé que ça correspondait parfaitement au personnage. En fait, moi, ça m'a fait rire, mais ça m'a aussi touché. On touche aussi quelque chose à travers cette scène, notamment, qui est hyper important, en tout cas du côté de Captain America. C'est sa relation quasi fraternelle avec Falcon et avec Bucky. Et on a là quelque chose qui se passe entre les trois. J'adore leur relation. Voilà, il y a une espèce de on montre l'amitié puissante qui les lie et qui est aussi une grande motivation dans cette équipe. Captain America et Bucky, Captain America et Falcon, mais certainement pas entre Bucky et Falcon, qui pourtant l'un à côté de l'autre, entre potes. Hey, t'as vu notre pote, il a roulé une pelle, c'est génial. Ouais, et ben là justement, on a cette espèce de première interaction de quelque chose qui naît entre les deux autres par leur réaction commune, et au final, que ce soit la subtilité. Mais déjà, il y avait déjà une scène, tu sais, tu vois justement qu'il n'y a pas vraiment une amitié. En fait, c'est comme une sorte de fraternité haineuse entre les deux, puisque juste avant, le mec lui demande, tu peux bouser ton siège, j'ai mes jambes qui sont pas bien. Ah oui, c'est l'autre qui lui dit non, et il est obligé de se décaler de l'autre côté. Parce que quand tu fais ça avec ton pote, tu vas dire machin, tu vas dire oui, non, bah, mais après, c'est pas drôle, mais c'est justement, c'était pas une blague. C'est pas une blague, il est sérieux, il veut pas. Ah, moi ça m'avait fait rien. Voilà, il faut se prendre ça quand même beaucoup à l'humour. Hein. Moi, je suis sûr. Oui, mais c'est gamin, et c'est pour ça que. Ah oui, c'est immature. Mais. Attends, autre chose, t'as un film avec un sujet pareil. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, par exemple, il va te dire passe-moi le sel, tu ne l'aimes pas, tu vas dire non, je ne te le passe pas. C'est gamin. C'est quoi le rapport? Oui. Bon, c'est un peu ce qu'il décrit là, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu dans la scène. Hein. Et ça nous aurait, si on avait présenté la scène comme ça nous aurait peut-être autant fait rire que. Enfin, bah oui, bien sûr. Cela dit, tu disais Mathieu, pour rebondir un petit peu ça, tu disais l'amitié entre Falcon et Cap notamment. J'ai trouvé que c'était plutôt cool et touchant. Enfin, pendant longtemps, il y a souvent que Cap et Falcon, et c'est plutôt sympa, enfin, de voir ça, de voir que. Il y a une espèce de rattachement entre un personnage un peu secondaire, un autre personnage, enfin, qui est lui une vraie figure de proue, l'espèce de conséquence, entre guillemets, de la formation des Secret Avengers, tout ça. Enfin, ça, c'est vrai que c'était plutôt cool. Donc, dans cette optique-là, le baiser, d'accord, mais, après, bon, c'était un peu facile, quoi. Ils ont un peu cédé à quelque chose de facile avec ce roulage de pelle. Il fallait que le spectateur de 14 ans qui est leur cible comprenne. Hein. Faut pas faire de choses trop compliquées et trop subtiles. Et genre juste deux choses par rapport à ça. Vous savez, là, juste là, t'es quand même hyper réducteur. Le spectateur de 14 ans qui est leur cible, c'est waouh. C'est hyper réducteur. Moi, j'ai pas 14 ans. C'est réducteur, mais c'est ce qu'on appelle la caricature. Je l'ai kiffé. Quand même la partie du spectateur de 14 à 18 ans qui va le plus au cinéma. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui les attire. Juste une chose par rapport à ça, justement, il y a une scène où. Surtout à cette période de l'année. Juste après l'enterrement de Peggy, ils sont tous les deux devant l'ascenseur, Captain l'a raccompagné. Et là, t'as les deux qui se fixent pendant quelques secondes. Et moi, je me suis dit, non, tu vas pas faire ça, tu vas pas l'embrasser, ce serait quand même un peu dégueulasse. Ouais, elle est même pas enterrée que, ouais. Tu vois, et après, justement, après ça s'est passé. Et petit clin d'œil avec Clément, comme tu disais, elle est dans le clan de Iron Man, ou plutôt que du clan de la police, mais elle, quand même, elle lui ramène toutes leurs affaires. Encore une fois, la fake qui prend le pas sur l'idéologie. Ah bah oui, mais de toute façon, oui. Mais... Chaque fois, je rappellerai à Pokémon. Qui est-ce qu'il nous reste? Scarlet Witch et Vision, on peut les mettre ensemble? Parce qu'ils ont j'adore. Quand même leur interaction, j'aime bien. Elizabeth Olsen, j'ai trouvé un peu mieux que dans Age of Ultron. Oui, elle a un peu plus d'intérêt, quoi. Oui, je suis d'accord. Un peu plus de place. Ils sont pas assez développés, c'est un peu dommage. Mais ouais, non, j'aime bien les relations. Pour les personnages secondaires, ils sont plutôt bien traités. Mais le truc, c'est que. Vision, plutôt très classe. Oui, j'adore. Moi, le moment où il traverse le mur, sa première apparition, moi, j'étais content. Avec sa logique, la porte était ouverte, donc du coup, bah. Donc du coup, je passe par le mur. Ouais, ça serait marrant. Les mecs, on dirait un Spock en fait. Il a quelque chose de Spock. Un peu, ouais. Non, moi, il me fait penser à. Comment il s'appelle, le docteur Manhattan? Oui, c'est vrai. Mais vous avez pas eu cette impression-là de sous-utilisation volontaire, je crois, dans le combat dans le tarmac, où il aurait pu un peu. En même temps, c'est un peu gênant. Là, on a deux personnages qui sont hyper puissants, qui pourraient tuer le game juste en pétant, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, je comprends aussi qu'il puisse être un peu un moment emprunté avec ces deux personnages de pas trop savoir quoi en faire, quoi, parce que c'est quand même hyper puissant par rapport aux autres. Après, eux-mêmes, les personnages dans l'histoire se battent contre leurs amis, donc ils ont pas non plus envie de claquer des doigts et d'utiliser leur pouvoir et de tout stopper. Déjà, Scarlet Witch connaît pas forcément toute l'ampleur de ses pouvoirs. Elle est, je dis pas des bêtises, elle apprend à les connaître au jour le jour. Vision peut-être aussi, même s'il a l'air d'être plus conscient de ses capacités. Mais c'est surtout qu'il se bat contre des amis, contre des amis. Ils n'ont pas envie ils pourraient tout stopper en un claquement de doigts, mais ils n'en ont pas envie parce que c'est des amis, c'est pas des ennemis en soi. Mais autant Wanda, oui, elle est capable. Autant la Vision, oui, elle est capable. Mais Wanda, je pense pas qu'elle en soit encore capable. Encore donc, non, mais elle pourrait faire plus de dégâts qu'elle n'en fait. Elle n'est pas encore capable. Mais donc du coup, tu reverras un peu, comme je vais le revoir demain, mais tu verras un peu le temps d'écran des deux pendant le combat sur le tarmac. Il est très très inégal. Parce que c'est pas ce qui intéresse le plus. Et surtout, Vision arrive, elle est pas là au début, je crois. Si, il est là. Il est pas là. Non, il n'est pas là au début. Il apparaît. Il est là au début. Quand il se mettait à courir, Il est à la trace son laser. Quand il se met à courir, trois personnages, il faut vraiment qu'on avance parce qu'on est déjà à une heure. Zemo. Oh, quelle blague. Non. Un bad guy de Marvel, un bad guy de la quotidienne. Son plan ne repose que sur le pur hasard. Hein. Oui. Enfin, un plan, si on peut appeler ça un plan. Son plan, c'est que Bucky, qu'on repère Bucky, qu'on essaye de l'attaquer. Du coup, il se met sur la gueule et finalement, il retrouve sa trace pour retourner, pour quelle raison on ne sait pas, dans ce complexe soviétique. Pour au final quoi, juste lui révéler que Bucky a tué sa famille, t'aurais peut-être pu le faire autrement, pour au final juste qu'il se mette sur la gueule. Peut-être eu un autre moyen pour qu'il se mette sur la gueule. Imagine que Bucky et compagnie soient arrêtés, mis en prison, ils vont jamais en Russie et du coup son plan tombe à l'eau. Et il attend comme un con dans son bunker soviétique des années 40. Et surtout, son plan complètement sur le pur hasard est totalement inutile. Et il est là pour faire un petit peu l'espèce de liant à deux balles généralement. Voilà. J'ai pas compris le délire non plus. Moi non plus, j'ai trouvé ça, je me suis dit, what? Enfin, c'est. Non, je sais pas. Puis j'ai trouvé ça d'une simplicité, mais. Enfin, simplicité, ça dépend comment on l'entend, mais j'ai trouvé qu'ils se sont pas foulés, quoi. Franchement. J'ai pas compris le délire, quoi. Tu vois le mec, tu dis ouais, ok. Puis alors là, quand tu dis en fait, j'ai fait un plan pour vous forcer à vous battre et tout ça, tu dis putain, c'est bien la preuve qu'ils ont pas assumé jusqu'au bout, quoi. Ce que je disais au début, c'est le mec, si c'était censé être le bad guy, bad guy en carton pour le coup, le bad guy du film, honnêtement, c'est raté, quoi. Il y a un délire autour de ça, j'ai pas compris. Puis alors, s'il te plaît, quoi, la scène de fin quand il parle avec le personnage incarné par Martin Freeman, quand en gros il y a l'interrogatoire et qu'en gros, ça m'a énervé parce que c'est un gros cliché, quand il dit je sais plus, il demande ses motivations ou est-ce que vous étiez seul, pourquoi vous avez fait ça tout seul, et puis quand le mec Zemo répond vous croyez, point de vue, je me suis dit putain, ils peuvent pas faire plus subtil et un peu plus original, quoi. Est-ce que je vais essayer de le défendre un peu parce que je suis un peu d'accord que ce n'est pas vraiment parfait, mais ça revient à ce que je disais au tout début, les accords de Sokovie, ça ne suffit pas et ça aurait été totalement bête pour détruire intérieurement une équipe. Ce qu'il faut pour les détruire, ce n'est pas qu'ils soient contre un accord. Et c'est justement là que il est un peu aussi important dans l'histoire, c'est que c'est lui qui ramène le côté affectif qui va les obliger à se détruire. Je m'en fous du côté affectif. Oui, mais surtout c'est bancal. Moi, ce que j'arrive, c'est un argument intelligent bien écrit. Mais l'affectif, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ça n'a pas de sens qu'ils se battent parce qu'ils sont pas d'accord sur les sanglots. Bah bien sûr que si, c'est le concept même de Civil War. Ils se foutent sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord idéologiquement. Dans ce film-là, s'ils sont pas d'accord d'avoir un QG, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Il y a un problème aussi vis-à-vis de ça. C'est que l'univers Marvel cinématique et la formation des Avengers, c'est hyper récent, c'est un univers très jeune, et on n'a pas assez de profondeur et de background pour arriver à ce que simplement les accords de Sokovie déclenchent de telles choses, parce qu'on a un univers qui est trop jeune, des personnages qui n'ont pas encore assez évolué, effectivement, de la rancœur qui sans l'impact de l'émotionnel et de tous les affects et des mamans et de compagnie et des machins, le combat n'aurait peut-être pas eu lieu, parce que c'est l'univers est encore trop jeune et ça manque encore de... Voilà. C'était peut-être trop tôt pour faire une Civil War. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si tu veux faire, je sais pas, tu fais une Civil War juste après un Avenger Infinity War, moi j'avoue que ça aurait été une Civil War dans le sens où vous l'entendez, après un Infinity War où tu sens qu'il va y avoir de la casse, il va y avoir de peut-être des morts ou vraiment un gros affrontement au sein de l'univers, moi ça m'aurait semblé un peu indigent, les deux côte à côte. Donc... Non, mais enfin, moi je suis d'accord avec Arnaud, hein, tout ce qui tourne autour de Zemmour, ça résume bien le gros problème de scénario, c'est que c'est hyper bancal et que de facto, les enjeux du film sont aussi hyper bancal. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis absolument pas d'accord. C'est pas bancal pour moi. Je suis d'accord que oui, Zemmour est un peu artificiel, voilà. Ah bah pas qu'un peu. Hein. Il est un peu artificiel dans le truc, mais ça ne fait pas bancal. Pour moi, Zemo, il est un peu comme la vieille femme au tout début qui vient poser la photo sur Tony Stark pour. C'est le problème majeur du film, c'est que entre cette dame qui vient dire à Tony Stark, et là c'est la partie Civil War du film, et oui. Zemo, c'est la partie Captain America. C'est le gros problème. Quand je dis, il est un peu comme, c'est que cet élément, c'était pour créer la culpabilité, pour pousser Captain America. C'est un peu posé au milieu du film. Je suis d'accord. Il est un peu utilisé pareillement. Moi, je suis d'accord avec Léo. C'est vraiment là le gros problème. C'est d'avoir voulu faire une partie Civil War et une partie vraiment Captain America 3. Et pour moi, la partie Captain America 3 surpasse largement plus l'aspect Civil War. Et c'est un gros problème. Il y a un manque d'égard. Mais attends, il s'appelle quand même, c'est le film quand même Captain America. Non, mais enfin, oui, Captain America. Mais quand t'as le nom Civil War, c'est quand même légitime d'attendre quand même ce qu'implique vraiment la Civil War. Mais de toute façon, ils se sont mis dans la merde tout seuls en choisissant ce titre. Même avec Avengers Age of Ultron, pour moi, il y a aussi un problème. J'aurais beaucoup plus accepté qu'un film s'appelle Iron Man Age of Ultron, parce que c'est quand même... C'était plus une histoire d'Iron Man qu'une histoire de Vengeur. Que derrière, on enchaîne sur un... Captain America, Bucky, quelque chose, j'en sais rien, et qu'on finisse par un Avengers. Oui, je suis d'accord. Avengers Civil War, non, puisque moi je vais rappeler Avengers Disassemble. Mais bon, et pas Disassemble, bah, exactement. Comme comics. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est plus une guerre interne. Mais juste par rapport à un truc, Clément, c'est que Mathieu, il a accepté que le titre n'était pas bien choisi, mais ça n'empêche pas que le film tienne debout. Mais toi, tu dis le titre, il est mal choisi. Ah oui, je peux le comprendre, parce que moi j'ai aussi basé toute ma critique de BVS sur le fait qu'on a ni Batman, ni Superman, ni le V. Si tu avais du Batman et du Superman, mais pas forcément du V totalement. C'est mon avis, Irish. Pour moi, il y a un truc qui ne tient pas dans le film. Mais le dire que le film est bancal, je suis totalement. Et moi, je suis pas d'accord avec toi quand on sens au maximum le film. Pour moi, je suis complètement de l'avis d'Arnaud. Il y a vraiment un problème d'écriture dans le scénario. Ils n'ont pas su aller jusqu'au bout de leur idée. Je vais vous dire, le pire, c'est que je suis hyper conscient de tout ça. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'Arnaud Clément disent, avec quelques trucs aussi qu'Irish disent. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé ce film. Il a touché quelque chose. Il a fait parler quelque chose chez moi que je n'arrive pas à expliquer, parce que si je veux être rationnel, clairement, ce film, je ne peux pas l'avoir aimé. Et voilà. Mais pourtant, je l'ai adoré. Mais c'est ça, mais au final, c'est que si tu veux, au final, c'est des films comiques, c'est du fanboy, c'est parfois. Non, c'est pas un film comique. Non, c'est un film sur du comics, je veux dire. C'est des films comics. C'est pas comique. C'est du fanboy. Comics. Mais à un moment, c'est un comics. C'est le truc qui va au fond de nous chercher tout ce qu'on a de plus enfant, de notre part, mais la plus enfantine qui est. Tu sais quoi, moi, j'ai envie de dire que. Il n'y a pas que les enfants qui lisent des comics. Hein. Non, mais non, voilà. Dire, au fond de nous, la partie à part. Non, mais au fond de moi, c'est. C'est un peu ça. Parce que les mecs, on a quand même plus de 20 ans, on est en train de regarder des films où t'as un mec qui sort des lasers dans des trucs. Et alors, c'est pour ça, c'est pour ça que je veux dire que. Tu vois pas le problème là. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une partie d'enfant qui adore ça. Non, mais ok, t'as une partie d'enfant, mais moi je considère, parce que là, ce que tu dis sur les films de comics, c'est quand même des propos qui sont quand même très caricaturaux. T'es pas forcément. Ah si. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Dire qu'un film de comics, c'est forcément des films qui sont faits pour les gamins de 14 ans. Non, j'ai dit que ça va chercher la part d'enfant qui est en film. Non, mais ok, la part d'enfant, à un moment, c'est pas une question. Tu dis que ça vient chercher la part d'enfant. Oui, certainement, mais je vais te dire, il n'y a pas seulement les films dessus. Moi, j'ai vu d'autres films qui sont pas des films de comics, qui sont allés chercher ma part d'enfant. Ça mais je t'ai pas dit qu'il y a que les films de comics. Ce que je te dis, c'est pas forcément parce que tu regardes un film de comics. Que t'es un enfant. Que t'es pas un enfant, que tu dois forcément attendre qu'on aille chercher ta part d'enfant. Oui, ça joue, mais moi, je peux très bien attendre légitimement d'un film de comics, voilà, de voir un film qui est intelligent et qui va pas chercher dans des. Pour toi, enfin, moi, de ce que je comprends, pour toi, un film, voilà, de comics. J'ai des potes qui ne regarderaient pas ça, parce que leur argument premier, et ils n'ont pas tort, leur argument premier, c'est que c'est trop imaginaire, mais bien sûr que c'est le premier truc qui. Moi, je m'en fous, c'est pas imaginaire. Non, moi, on est d'accord que c'est quand même la première des choses. C'est une question de genre. C'est une question de genre. Moi, je te parle pas de l'aspect imaginaire. Moi, je te parle dans l'aspect qualité d'écriture. Qualité du produit qu'on est censé nous vendre. Ça, je ne te dis pas non, mais on est d'accord quand même qu'un film de comics, un film de super-héros, ça d'abord en premier, ça va d'abord chercher au fond de notre cœur enfant, et après, on veut que ce soit quelque chose de construit, on veut que ce soit. Non, pas forcément. J'ai une réponse à ça. Du coup, pour toi, les films de comics parlent à la part d'enfant qui est en nous. Où est-ce que Watchmen parle à l'enfant qui est en toi? Où est-ce que Watchmen, ou est-ce que même les films de Nolan? Mais on est d'accord, le film Nolan, par exemple The Dark Knight, c'est l'un de mes films préférés, parce que ça a réussi, même d'ailleurs il y a beaucoup qui détestent ça, beaucoup de fans de comics qui détestent The Dark Knight, on est d'accord. Pourtant, pour moi, c'est mon film préféré, bien sûr, parce que pour moi ça a réussi à aller, et d'ailleurs ça a réussi à aller au-dessus du côté imaginaire, puisque ça t'a dépeint quelque chose de totalement réaliste et totalement faisable, et totalement c'est même plus imaginaire, c'est plausible. Un homme super riche qui décide avec son truc, t'es presque dans la réalité totale. C'est pour ça que j'adore, c'est que ça m'a fait carrément oublier que c'était un comics ou que c'était pour moi, tu me dis pas la même chose. Ce que fait Nolan en faisant quelque chose d'un petit peu réaliste, c'est aussi de montrer que les comics, faut peut-être pas non plus exagérer et dire que c'est uniquement pour les gosses. Il y a pas que ça dans les comics. Quand tu regardes beaucoup de comics Batman, c'est pas pour les gosses. Mais ce que fait Nolan, par exemple, ça tu ne peux pas le faire avec Black Widow, tu ne peux pas le faire avec Ant-Man, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire avec tous les personnages, tu ne peux pas le faire avec la vision. Bien sûr que si, c'est une question d'écriture, c'est une question de vision. Non, tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui. Man of Steel est plus réaliste que tous les autres Superman précédents. Quoi, Man of Steel, il y a une part de science-fiction et d'imaginaire, puisque c'est un alien avec des pouvoirs, mais c'est plus ancré dans le monde réaliste. Mais tu regardes les scènes de combat, ça te sort du truc. C'est juste une question d'écriture. Et là, il y a un problème, tu prends ton scénario, et après tout le reste, avec le montage, le talonnage et compagnie. La couleur fait énormément aussi sur le côté réaliste des films de Nolan. contrairement à l'aspect et à la palette graphique gothique de Burton. Mais vous dites quelque chose. Vous dites quelque chose. Je ne dis pas que c'est fait pour les enfants. Je dis que ça fait. Nous on est là parce que majoritairement nous on est en train de parler de ça parce que quand on était gamin on a lu les trucs, on a imaginé, on a pensé à Spider-Man, on a pensé à tous ces trucs là. Vous pouvez pas venir nier. Je ne dis pas que c'est fait pour les enfants ou qu'il faut avoir honte parce qu'on regarde ces films là de temps en temps. Non, c'est un truc qui, ça n'a rien de honteux. J'ai 28 ans, je suis en train d'en parler avec vous. J'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle parce que ça fait ressortir en moi la part enfant, la part la plus profonde enfant. Que j'aime, c'est qu'il y a d'inventives, d'imaginaires, et même si c'est pas plausible au final, même si je sais que ça reste un film de divertissement, c'est quand même la qualité première, mais on peut pas venir dire que oui, venir reprocher certains aspects, dire que ce n'est pas réaliste dans un film de comique. Je vais vous prendre juste un petit le plus important dans un film, c'est pas ce que ça raconte, c'est d'abord les bases que ça pose. Si dans un univers, tu sais que t'es dans un univers imaginatif, ça te dérangera pas que quelqu'un qui meurt au début se relève juste après. Mais si t'es dans un univers réaliste, tu vois quelqu'un mourir au début et il se relève, ça va te poser problème. Mais donc, il faut déjà accepter le postulat de base. On est dans un film de super-héros, donc parfois c'est un truc que vous reprochez ou vous dites que oui c'est nul, oui la mise en scène, oui ceci c'est pourri, ça c'est pas bien, j'aurais attendu ça ou ça ou ça. Parfois ça n'a pas lieu d'être. Bah si, enfin, c'est notre avis, c'est de toute manière, un avis qui est subjectif, mais ça dépend de quelle manière tu vois tes films. Et tu peux pas dire qu'on fait certaines critiques, certains reproches constructifs, tu peux pas dire parce que c'est un reproche comme ça, parce que toi tu as adoré le film, que ça n'a pas lieu d'être. Enfin, on peut légitimement dire que le film est mal écrit sur pas mal de points. Ah, ça, mais je ne t'ai pas dit. J'ai bien commencé sur l'histoire de Zemmour en disant je vais essayer de défendre. Je ne te dis pas que c'est l'écriture est pas. Enfin, bref, on s'est trop écarté. On attend pas. Ah, ouais, c'est intéressant dans le sens où voilà, on voit bien clairement que tout le monde n'a pas les mêmes attentes quand il va voir tel ou tel film, et que du coup, ça impacte forcément votre avis. Maintenant, on va parler de Spider-Man. Oui. Ah. Là, je pense que c'est le seul sur lequel on va être tous d'accord. Je suis même pas sûr. Non, il faut ressortir la part d'enfant. Enfin, il est génial, c'est Spider-Man des comics, pour le coup. Et lesquels ? De quoi ? Lesquels ? Je sais pas, mais moi, j'ai eu l'impression de... Moi, ça m'a fait penser au Spider-Man de la série animée. Un peu. Mais non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec les Spider-Man de Raimi ou le The Amazing Spider-Man. Ça n'a rien à voir, c'est complètement une autre vision. Ben non, oui, c'est sûr. Là, enfin, voilà, pour la première fois, on a Tom Holland. Non, mais moi, j'ai eu l'impression... On a un bon Spider-Man et un bon Peter Parker. C'est ça, je suis d'accord. Bon Spider-Man et un bon Peter Parker. On a un Spider-Man qui est super relou parce qu'il n'arrête pas de parler. C'est génial, ça. Peter Parker, c'est pas trop, on l'a pas assez vu pour... Oui, mais enfin, tu te doutes bien, dans les combats, moi, ça m'a fait rire, quoi, que... Je sais plus, Bucky et le Falcon. Oui, il est pas mauvais. J'ai envie de parler. Et non, tu sens bien que. J'adorais. Non, mais j'adorais. C'est juste dire que c'est un bon Spidey, d'accord. En tout cas, sur que c'est un bon Peter Parker, je sais pas, on l'a vu 2 minutes. En tout cas, c'est un mauvais. Ce qu'on a vu de Peter Parker, c'est moi j'ai envie de voir et que j'ai toujours imaginé. C'est plaisant. Mais après, j'attends un petit peu d'un plus. Comme toi avec Black Panther, tu attends davantage pour dire si c'est un bon T'Challa. Pareil, j'ai bien aimé ce qu'on en a vu, mais je veux en savoir plus pour avoir une vraie opinion sur Peter Parker. En tout cas, c'était... Contrairement à T'Challa, par exemple, T'Challa, lui, il s'exprime... quand il est en T'Challa, il s'exprime très peu par des phrases assez courtes et claires. Comparant, on lui demande... Il est comme ça, oui. Non, mais justement, quand tu dis par exemple, par contre, Peter Parker, on a eu toute une scène avec Tony Stark. Il est génial, on discute. C'est oui, génial, discute. C'est pas le contraire. Hein. Parce que tu disais que par rapport, comme c'est comme lui avec T'Challa, où on n'a pas vu assez. On voit pas beaucoup T'Challa, il n'a pas vraiment d'exposition en tant que T'Challa, mais Peter Parker, il y a vraiment un moment où ils sont vraiment tous les deux, où ils parlent. Oui, mais enfin. On peut vraiment voir un peu comment ils. Je comprends ce que veut dire Arnaud, quoi. On peut, enfin, c'est vrai que tu peux vraiment te faire un avis définitif quand tu auras vu le film. En tout cas. C'est une excellente introduction pour le personnage de Spider-Man version Marvel Studio. Ça change complètement et je suis complètement d'accord avec Mathieu quand on a enfin un bon Peter Parker, un Peter Parker qui est jeune et on le sent déjà dans l'attitude de Tom Holland quand il est en Peter Parker, mais on le sent aussi quand il est en Spider-Man. On le sent génial. Aussi. Il est enfin t'as le Spider-Man, mais dans le Spider-Man tu ressens aussi le Peter Parker. Et d'ailleurs, il y a une réplique qui est très marquante, je sais plus, ça doit être Iron Man, non pas Iron Monger, comment il s'appelle, War Machine, quand il balance, mais il a quel âge, enfin, oui. Il a quel âge, lui? Oui. Et je trouve que ça résume parfaitement l'impression que donne le personnage. Tu sens que, voilà, tu sens que Spider-Man, c'est un jeune, quoi. Enfin, et même, pareil, quand il débarque et qu'il dit, oui. Ah, t'es Captain America, oui, je t'adore, mais... et tout. Pareil, tu sens la jeunesse et le. De quoi? Tu as un bras en métal, you have a metal arm. Ah oui, c'est un bras en métal, c'est trop ses cool. Ses réactions, hein. C'était bien, pour le coup, le personnage était bien écrit. Après, voilà, moi, ce que je peux le reproche que je pourrais faire, mais ça tient pas tellement de l'interprétation ou de la manière dont est interprété Spider-Man, etc. Moi, ce que je reproche, c'est voilà, plus ses motivations, quoi. Les motivations, mais ça, c'est pas pour lui. Mais ça, tu peux pas. Mais c'est ce que j'allais dire. Alors là, pour le coup, ces motivations, elles sont très claires. Le mec, c'est un petit gamin du Queens qui s'est découvert des pouvoirs il y a 6 mois. Il y a Tony Stark qui vient frapper à sa porte, ouais. Mais il pourrait aller ramper dans une mare de merde pour lui faire plaisir. Voilà, super, donc pourquoi tu reproches d'avoir plus de motivations, Clément? C'est tout à fait logique. De même que Ant-Man où t'as Captain America qui vient le voir, et c'est Captain America, c'est un bon, c'est un juste, c'est un gentil, et qui vient de lui dire... Dans l'histoire, c'est juste qu'il voit une célébrité, peut-être même son... une idole, on ne sait pas encore, qui vient le voir et qui lui propose de devenir un super-héros comme lui. Parce qu'il sait que Tony Stark est Iron Man. Voilà, et qui se bat pour la justice aussi, c'est injuste. Il va être avec un grand et devenir lui-même un grand. C'est juste ça qui l'attire. Après, peut-être que dans son film solo, il va se questionner et il va peut-être remettre des choses en cause. Mais là, dans le film, il voit Iron Man débarquer, qui lui propose d'être un super-héros. Il signe tout de suite, comme tout le monde. Et aussi, surtout, il sait que Tony Stark se bat pour des valeurs que lui aussi, il croit défendre. Tony Stark, il lui explique pas les valeurs. Il sait pas du tout pourquoi il se bat. Si, non, mais Tony Stark se bat pour la veuve et l'orphelin. Lui, c'est ce qu'il fait dans la rue avec ses filles quand il sort. Donc, du coup, il dit bon, bah oui, c'est forcément si lui il fait ça et qu'il me propose quelque chose de bien, lui, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va. Donc, les motivations, Clément, tu peux pas dire qu'elles sont pas. Elles sont affichées. Moi, après, il aurait peut-être pu se questionner sur pourquoi il doit se battre contre Captain America. Voilà. Tu vois, par exemple, quand il dit, quand ils sont en train d'aller défoncer les uns contre les autres et il se tourne vers Tony Stark, il dit il s'arrête pas là, hein. Je fais quoi moi? Ils doivent s'arrêter normalement. Tu sens que même dans sa tête. Oui, il sait pas trop, il écoute, c'est un jeune, il est inexpérimenté, on lui dit tu fais ça, il le fait. Voilà. Oui. Donc, du coup, on rentre un peu aussi dans quelque chose dans la manipulation et aussi un peu, encore une fois, un peu de l'affectif. Il y avait de ça aussi dans le Civil War originel, hein, où Spider-Man est un peu mené par Tony Stark. Hein, surtout qu'il lui offre un costume. C'est le point commun entre le film et le comics, c'est que Spider-Man est un jeune gamin enrôlé par Tony Stark. La différence, c'est qu'il a un peu plus de bouteilles, un peu plus de récits. Dans le comics, mais il y a cette espèce de lien, quoi. Et puis surtout, enfin là, Marvel a bien soigné un petit peu son entrée, quoi. Il a dit qu'est-ce que je dois faire et tout. C'est un peu, je te fais entrer dans les Avengers, et monde totalement nouveau pour un Spider-Man qu'on n'a jamais vu hors de ses films solo, quoi. Donc là, pour une fois, ça permet de faire une espèce de mini introduction en tant que Peter Parker, en tant que futur membre éventuellement des Avengers ou en tout cas d'une quelconque organisation et lancer un peu le film solo. Enfin, c'était efficace surtout leur manière de lancer Spider-Man. Tu parles de son entrée, sa sortie aussi est soignée parce que t'as ce petit moment où Tony il prend conscience que bon, c'est quand même un gamin. On lui en demande trop et il lui dit non, reste à terre, tu en as assez fait, et ce qui permet de sortir de façon un peu intelligente aussi. On continue le relais, va te reposer, on t'en demande un peu trop. Il y a un petit détournement de ce qu'il est dans les comics, quoi, où en effet c'est l'espèce de protégé entre guillemets de Tony Stark, et là c'est complètement autre chose. Il le met pas sur le devant de la scène, il lui dit voilà, recule un peu, quoi. Et là tu sens que le film a pris en main son propre aspect Civil War et on a fait un petit peu quelque chose d'autre, quoi. Tu sais à ce moment là que Peter Parker va pas avoir plus d'importance que ça au-delà de ce combat, et que celle qui a un petit peu ce rôle de changement de camp, bah, c'est plus Natasha Romanoff que Peter Parker. Mm-mm. Et puis, enfin voilà, moi le le Spider-Man, enfin, il y a tellement de clins d'œil à ce qu'il est, à son histoire, etc. Ce gamin qui bricole dans son appartement, là, dans sa piole, qui bricole des costumes, qui est un peu, on voit qu'il est un peu geek high tech, etc. Avec son ordi, avec tout ce qu'il trafique. La trappe avec le costume dans le plafond, enfin, il y a tellement, tellement de choses. Et même sa relation avec sa tante, oui. On la voit dans la scène post-générique, du coup, tu l'as pas vu, Arnaud, mais il y a quelque chose, voilà, il lui ment, mais en même temps, il lui raconte un peu la vérité. Oui, Je l'ai pas vu, mais j'ai lu un résumé. C'est bien un style, il tape sur la gueule, il a bien affronté un mec super grand et tout ça, et du coup, sa tante le perçoit pas parce qu'elle ne l'imagine même pas, enfin, il est tellement un bon Peter Parker dans l'écriture, etc., que sa tante ne l'imagine même pas comme Spider-Man. Oui, c'est ça. Voilà, et du coup, on a vraiment. C'est pour ça aussi que pour moi, on a un bon Peter Parker et un bon Spider-Man. Ah oui. Convaincant dans un Peter Parker un peu gauche, un peu jeune, un peu tout ce que vous voulez, et en Spider-Man en costume, etc. Enfin, voilà, c'est ce qui manquait cruellement à ce personnage-là. Et puis il apporte, il a quand même la peut-être la meilleure réplique du film quand il parle de l'épisode 5 et qu'il commence à tourner. Ah oui, ça c'était génial. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avoue, c'était magnifique, quoi. Mais tout ce qu'on pouvait attendre d'un Spider-Man, on l'a eu, c'était vraiment efficace. C'était vraiment un vrai personnage en plus auquel tu peux t'identifier, auquel, tu vois, il y a des petits et grands peuvent s'identifier, au moins grands ou adolescents. Honnêtement, de toute manière, j'étais devant le film, j'attendais qu'une seule chose, hein, j'attendais qu'un seul moment, c'est quand ils allaient introduire Peter Parker, Spider-Man. J'attendais que ça. Ils ont bien réussi leur. Alors moi je l'attendais. Ouais, avant de voir le film, effectivement, j'attendais ça. Mais cette première partie du film est tellement brillante que j'en ai même quand presque oublié que Peter Parker est arrivé. C'est quand Quinn arrive, c'est quand je vois Quinn que je mais oui, il y a Spider-Man qui doit arriver. Et là oui, on voit Quinn, c'est là effectivement. Après, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis très partagé sur le film. J'ai beaucoup aimé la première partie. Que j'ai trouvé excellente, mais après il y a toute la deuxième partie que j'ai pas aimée. Il y a des installations d'enjeux, etc., qui limite, vous voyez, j'aurais peut-être presque, à la fin de, enfin, ce film-là, on m'aurait dit fait 2 heures de plus, où on coupe en deux pour avoir une première partie hyper politique, etc., comme on a dans cette première partie un peu autour du monde, etc. Enfin, puis là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose, même avec le nom des villes, etc. Enfin, il y avait un truc qui m'a happé et qui m'a plus lâché. Et après, il y a cette cassure à partir du moment où on est à l'aéroport. On passe dans un autre film. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement pour ça que je suis très partagé sur le film. Hein. Justement, j'ai eu l'impression de la cassure après l'aéroport qu'on rentrait vraiment dans du Captain America. Parce que Captain America et Bucky partent et tous les autres sont enfermés en prison et il n'y a plus que Iron Man qui fait partie qui continue avec eux. Donc vraiment, vraiment, quand tu dis oui, cette sensation de cassure, et pour moi, on entrait vraiment plus dans le côté Captain America, et on sortait entre guillemets de la sorte de Civil War, entre guillemets, pour pas énerver tout le monde, ou de la guerre interne qui a eu entre tous. Pour terminer sur Spider-Man, et pourquoi je trouve cette scène post-générique hyper importante pour le MCU et pour plein de choses, la scène post-générique, elle a quand même une fonction, certes de nous apporter un petit truc en plus, etc., mais de nous teaser quelque chose pour la suite. Et le fait d'avoir mis Spider-Man dans cette scène post-générique, Marvel fait la pub d'un film Sony. Enfin, il y a quand même quelque chose qui vient sceller leur alliance d'une manière hyper forte, parce que le prochain film qu'on annonce à la fin de ce Civil War, c'est pas Doctor Strange, c'est pas un autre film, c'est pas Gardien 2, c'est Spider-Man. Et c'est hyper important pour l'histoire du MCU. Ils ont récupéré Spider-Man, ils en sont super fiers, et ils lui donnent l'honneur d'une scène post-générique. T'as raison, c'est ce qu'on veut de cette scène post-générique, de son côté anecdotique, etc. Mais le symbole, non, ok. Fort. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Là, chez le chef, hein, chez Mathieu, c'est parce que tout à l'heure, j'étais en train de m'écharper avec Arnaud, et il était à côté, tranquille, il disait rien à foutre. Et au final, il dit bah, parce qu'on n'était pas dans le podcast, moi je parle. Non, mais je suis d'accord avec toi, autant le contenu même de la scène post-générique, je n'ai pas spécialement plus aimé, honnêtement, je suis ouais, bof. Après, c'est vrai que je n'avais pas vu cet aspect-là. Et je suis plutôt d'accord avec toi qu'à travers cette scène post-générique, mettre Spider-Man, et voir cette film, phrase et voir non, cette phrase Spider-Man, à la fin d'un film Marvel Studios, Spider-Man will return, quoi. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors que en termes, on va dire, calendaire, c'est loin d'être le prochain film, parce qu'avant t'as quand même Doctor Strange. Je crois, Spider-Man, c'est quoi, pour juillet 2017? Juillet. Il y a Doctor Strange et les Gardiens avant. Oui, et donc voilà, c'est pas le dernier film. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Ils ont dit, bah coucou, on a récupéré Spider-Man. Maintenant, on va vous faire un truc bien avec Spider-Man. On est là et on va s'assurer que ce soit bien. Spider-Man est à la maison. Spider-Man will return. Enfin voilà. Parlé dans le mag parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire de mag récemment avec des news, mais le titre aussi Homecoming. Homecoming, ça veut tout dire. Donc. Voilà, il y a aussi ça dans ce Spider-Man là. Il y a encore, comme je disais aussi avec Arnaud, Spider-Man c'est quand même le gros personnage emblématique de Marvel. C'est celui qui beaucoup ont Spider-Man comme idole dans les BD quand ils sont gamins. Et le fait qu'il revienne et l'avoir en toute fin de générique, c'est aussi vachement jouissif, même si tu le vois juste avoir une petite scène avec sa tante. Non, mais voilà, enfin, clairement, on va plusieurs fois avec Spider-Man, et à d'autres moments dans le film, voilà, il y a quand même les frissons qui arrivent, et de le voir, et même de voir Cap qui lui fait limite un clin d'œil en lui disant, moi je viens de Brooklyn, enfin. Ah, mais ils en sont vraiment fiers, hein, ils l'ont vraiment montré. Ah oui, voilà. C'est sûr. On a récupéré Spider-Man, et on va vous en servir, vous inquiétez pas, quoi. D'ailleurs, j'ai pas vu de mention de Sony ou de l'accord ou quoi que ce soit dans le générique. Après, j'étais peut-être pas très attentif. Ah ouais, mais... parce que tu lis, toi. Mais j'essaie de regarder un peu de temps en temps, ouais, surtout quand j'ai des films. Ça doit être écrit en principe, mais. J'ai pas fait gaffe, voilà, peut-être qu'à un moment j'ai décroché et c'est à ce moment-là que ça a été marqué dans les remerciements ou dans je sais pas quoi, mais j'ai pas eu l'impression de le voir. Après, il y a pas de logo ou quoi. Ouais, je serais curieux de voir quel logo il y aura au début de Spider-Man, si tu auras Sony ou Marvel ou Sony Marvel. Probablement les deux. Bah, faut voir si c'est une coproduction. Enfin, ils ont pas annoncé que c'était une coproduction. Bah, ce serait une production Marvel, c'est sûr, non? Non, c'est une production Sony. Ça, c'est sûr. Marvel Studio a les droits, a un droit de regard sur le côté artistique. Ils l'ont annoncé eux-mêmes. Ils ont dit oui, on bosse sur l'aspect artistique du film. Mais en soi, selon l'accord, c'est une production Sony. Après, est-ce que ça va être une coproduction Sony et Marvel Studio? On ne sait pas. Mais ça reste une production Sony, au moins une production Sony. Après, je vois bien le logo Sony, et après, pas le logo Marvel de la Fox, mais un truc peut-être Marvel Cinematic Universe ou quelque chose pour bien te faire comprendre que voilà. Pas Marvel Studio, parce que c'est pas Marvel Studio, mais Cinematic Universe, ou au moins une mention que c'est, oui, c'est Marvel, mais c'est pas les Marvel de la Fox, ça fait partie. Peut-être. Mais on verra Marvel Studio quelque part. C'est dans un peu plus d'un an et les 20 petites minutes de Tom Holland dans ce film, voilà, moi ça m'a overhypé et là voilà, clairement je suis prêt, moi c'est maintenant quoi, tu me le donnes demain, pas de problème quoi. C'est clair. Allez, un dernier personnage, après on parlera juste de 2-3 autres bricoles. Stanley. Ils l'ont oublié en fait, du coup ils se sont dit tiens, c'est, pour moi c'est peut-être son meilleur caméo. Ah, on s'y attendait pas, oui j'avoue. C'est vrai qu'on l'avait oublié en fait, on l'avait oublié. Et surtout parce que ça a une interaction un peu aussi, parce que généralement ça peut balancer un peu n'importe comme ça, et ça ne joue pas, ça n'interagit pas beaucoup. Pardon ? On avait peur de l'avoir loupé aussi, surtout. Non, j'y pensais même plus. Il nous a complètement surpris sur la fin, quoi. Et puis voilà, le fait, sa réplique, je trouve la scène super drôle, super efficace, etc. Et puis, quelque part, c'est Stan Lee qui apporte les premières pierres de la réconciliation entre les deux, et c'est quand même, au niveau symbolique, assez important aussi, quoi. C'est papa qui va les réconcilier, quoi. C'est vrai, ça. C'est comme ça. Mais donc, c'est du coup, ouais, moi j'ai adoré ce caméo, pour moi, ouais, c'est le meilleur caméo qu'il ait fait. Ah ben, ouais. Tony Trash, là, c'est pas. Tony Trash. Tony Trash, c'est vrai. Tony Trash. Donc voilà, c'est la petite anecdote pour parler de papy. On a encore 2-3 trucs à dire quand même sur ce film. Hein, où je vous ai parlé de l'introduction tout à l'heure en disant que c'était un vrai coup de cœur. Est-ce que vous voulez peut-être revenir sur cette introduction ou il y a d'autres choses qui. Voilà, un peu plus en vrac, peut-être plus sur l'histoire, sur le scénario, etc. Hein, qui. sur lesquels vous avez peut-être envie de revenir. Mes gros regrets, c'est les conséquences dans l'univers, les conséquences au final. Il n'y en a pas. Ouais, ouais. Il n'y en a pas. Ah, du coup, en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'on va connaître la suite, en fait, puisque le prochain Doctor Strange, c'est une origin story, donc on va en parler. Les Gardiens de la Galaxie, a priori, ne se passent pas sur Terre, on n'en parlera pas non plus. Spider-Man, ça va être une origin story, mais comme il y a Tony Stark, peut-être que du coup, on va sans doute en entendre un petit peu parler, vu qu'il y aura Tony Stark. Mais sinon, après, il faut attendre Black Panther 2018 ou Avengers Infinity War partie 1 en 2018 aussi. Moi, du coup, tout à l'heure, vous parliez de Black Panther, etc. Autant avant Civil War, j'étais hyper confiant pour Black Panther, autant là, maintenant, je suis carrément moins, et où effectivement, j'ai un peu l'impression que tout l'aspect géopolitique va être un peu sabordé pour nous ressortir le Winter Soldier, nous ressortir un peu tous les personnages pour faire avancer l'histoire. Oui. Et j'ai pas envie. Non, mais je suis d'accord. Ça dénaturerait Black Panther, quoi. Enfin, ce serait bête. S'ils font comme ce que Marvel m'a donné l'impression à travers ce film, s'ils vont pas oser aller jusqu'au bout des concepts, des enjeux géopolitiques, compte tenu de visiblement de ce qu'est le personnage, ce qu'implique même le personnage de Black Panther, et effectivement, ça risque d'être très très dérangeant. Alors que Marvel avait réussi le coup finalement dans Winter Soldier. C'était quand même un film très très politique, très rapport de force, et c'était là pour ça que j'avais adoré Civil War. Winter Soldier, c'est parce qu'ils avaient osé aller jusqu'au bout de leur idée. Pour moi, il était plus espionnage que politique. Mais bon, après, c'est... Oui, ouais, non, pas espionnage, mais ils avaient une idée de base, ils sont allés jusqu'au bout, ce que pour moi, ce qui n'a pas été fait dans Civil War. Après, pour moi, la seule conséquence que je verrai entre guillemets, ce qui est induit mais très très faiblement, ça serait possiblement la naissance de Secret Avengers. Oui, voilà, et c'est pour ça que j'ai peur que Black Panther soit un Secret Avengers qui dit pas son nom. Mais quand c'est pas faux. Clément, que le côté politique ça le gênerait, mais il me semble que le Wakanda il est un peu connu quand même pour être un peu fermé, donc après s'il n'y a pas vraiment une attraction politique, ce sera un peu logique. Si le Wakanda il a une place dans le monde, il est quand même reconnu à l'ONU, etc. Oui, non, il a quand même une place. Il a quand même bien morflé dans les derniers conflits liés aux Avengers, dans l'univers, dans le MCU et tout ça. Enfin, le Wakanda, au niveau politique, etc., il y a énormément de choses à faire. C'est une monarchie aussi. Enfin, c'est une monarchie dont le roi est en plus, et le Black Panther, c'est un super-héros. Enfin, il y a énormément de choses à dire autour de tout ça. Et j'ai peur que tout ça soit passé à la trappe au profit d'un Secret Avengers Beast pour faire avancer l'histoire du MCU. Mais moi, je serais prêt à parier que déjà, tu n'auras pas de Bucky. Si. Alors, on voit ressortir Bucky avec le général Ross en méchant qui va essayer d'envahir le Wakanda pour récupérer Bucky. On n'en est pas loin. Ouais, moi, je vois bien. C'est vrai que j'ai pas vu ça. Ouais, c'est possible. On n'en est pas loin. Pour aller encore plus loin, une attention du général Ross, etc., et se retrouver avec un Thor Ragnarok, qui en fait n'est pas Ragnarok, mais Siege, l'événement où Asgard tombe, etc., sous le siège, etc. Pour moi, il n'y a pas beaucoup non plus pour que ça soit ça. Ouais, mais après, bon, n'ayons pas trop peur, il y aura un peu foi, hein. Faut croire, les amis. Ouais, mais enfin, on a le droit de se poser des questions. Quand tu me dis qu'on ne verra pas Bucky, moi, honnêtement, j'ai un peu de mal, parce que concrètement, c'était la dernière scène post-générique, c'est première, c'est ça ? Première. La première, quand on voit Bucky qui est, cryogénisé, enfin bref, je ne sais plus le terme, et qu'en fait, qui est dans le Wakanda, moi j'ai un peu de mal à le croire qu'on va pas le revoir dans le film Black Panther, ou du moins qu'il y aura pas une allusion à lui, parce que Bucky c'est quand même, si je me trompe pas, c'est censé dans le comics il devient Captain America, quoi. Oui. J'ai un peu de mal à croire. Et puis il faut pas oublier que après Winter Soldier, l'acteur a signé pour, je crois, 7 ou 8 voilà. films. Il a signé pour 5 ou 8 films, alors qu'à côté le contrat de Chris Evans est terminé, officiellement il l'a signé pour aucun autre film. Il va re-signer, mais pour le moment. Mais oui, Bucky a quand même signé pour beaucoup de films. Et moi, le Bucky, je trouve que quand même pour un personnage secondaire, il est hyper important dans l'univers Marvel Cinematic. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et son rôle va grandissant. Donc voilà, je serais pas surpris qu'en plus il devienne quelque chose. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se prépare autour de lui, je sais pas quoi, je suis pas sûr d'aimer. Mais le truc, c'est qu'on a beaucoup défini Black Panther dans ce film, quasiment par rapport à Bucky. Donc de toute façon, on va pas y couper, hein, probablement pas. Enfin, bah, tout tourne autour de lui. La Civil War, elle passe des accords de Sokovie à Bucky. Oui, bah, après, c'est une recherche de Bucky qui va l'arrêter. Pour aller encore plus loin, le peuple du Wakanda a vu la photo de Bucky, la personne qui a tué son roi. Et apprendre que le nouveau roi protège Bucky, ça pourrait avoir des enjeux politiques au sein du Wakanda, assez dévastateur. Bah, c'est des belles perspectives, non? Et c'est pour ça que du coup, je suis persuadé qu'on va revoir Bucky arriver. Oh oui, c'est sûr. Ce serait pas plus mal, non, Mathieu? Je sais pas. C'est pas. Ça dépend comment c'est écrit. Je sais pas du tout. Ouais, ça indépendantise pas Black Panther en soi. Ça fait vraiment Black Panther défini par rapport à ce qui s'est passé dans Civil War. C'est un peu dommage pour un personnage. Mais soit ils font une Civil War, soit ils font une Origin Story, soit ils font un. Non, on peut plus avoir une Origin Story, on a l'Origin Story. Enfin, oui, il n'y a pas d'origine story dans le film là. On a ce qu'il faut quoi, pour ces origines. C'est ça. Donc du coup, si du coup, on veut faire un film par rapport à lui qui ne soit, parce que au final, c'est ce qu'on reproche. On reproche quand on fait un film solo dans l'univers MCU que les autres n'existent pas. Et au final, quand on prend en compte les autres, c'est aussi un reproche. Mais on peut les prendre en compte en montrant juste ce roi qui rentre au pays. Son père est mort, il va devoir prendre les rênes du pays. En même temps, il est Black Panther, c'est un super-héros, donc il a quand même une place particulière dans le monde. Il a une place politique qui n'est pas la même que celle qu'il est en tant que super-héros. Il y a énormément de choses qui sont à dire sans intégrer Bucky. Mais il faut quand même que ce qui s'est passé ait des interactions. Sinon, ce qui s'est passé, il y a quand même son père, le roi, qui est mort dans ce film-là. Donc c'est une conséquence qui est largement suffisante pour un film. Ah, c'est clair. Ouais, mais s'il a un gros problème, est-ce que tu comprendrais qu'ils doivent le régler tout seul alors que t'as d'autres super-héros juste à côté? Ça dépend si c'est de la politique intérieure ou pas. Là, on est dans l'ingérence, etc. Et voilà. Moi, je trouve. Bien sûr, ce serait une idée à explorer, mais ça ne me choquerait pas qu'il y ait un peu plus d'interaction par rapport aux autres. À suivre, de toute façon, c'est pas encore maintenant, on verra bien. Et puis, de toute façon, on nous dira rien dans les trailers, ça sera que quand on sera dans la salle qu'on l'apprendra. Ouais, et j'aimerais tellement arrêter de regarder toutes les vidéos, tous les mythes. Je regarde juste deux bandes annonces par film et ça me suffit bien. Ouais. Ne serait-ce qu'aucune. T'imagines, t'avais vu aucune bande annonce. T'imagines, si tu ne savais rien de ce film, ça aurait été un pur pied de voir apparaître Spider-Man, je sais pas. Moi, par exemple, la seconde partie du film. Quand je vois, j'avais oublié dans la scène dans la bande annonce où t'as Bucky et Captain qui sont en train de se battre contre Tony. On peut plus à cette époque faire comme ça, c'est plus possible. Ou alors il faut plus avoir de télé, ne pas lire les journaux, ne pas écouter les gens qui parlent dans les métros, dans les trams ou dans quoi que ce soit. Ouais. Parce que le fait que Spider-Man était dans ce film-là, on en a parlé sur iTélé, quoi. Donc à un moment, tu peux plus y échapper. Tu peux pas aller voir un film en étant neutre et sans avoir un minimum d'informations. C'est juste que tu vois le premier Avengers, j'avais juste découvert l'affiche comme ça, j'ai dit ah bah tiens, merde, ils ont fait un Avengers. Enfin, c'était pas pareil non plus, hein. Il y a eu un avant et après Avengers. Parce qu'il y a des enjeux. Je dis que le premier Avengers, j'ai vu l'affiche, j'ai dit ah merde, j'avais pas vu la bande. J'avais vu la bande annonce. Je suis d'accord avec toi, mais on est quand même là, c'est un contexte qui est totalement différent. T'as quand même là, DC et Marvel qui. Non, on est trop impliqué. Moi, j'ai mon pote qui regarde de temps en temps. Et lui, des fois, il voit pas de base, il est pas au courant, il sait pas. Si moi, je lui dis pas. Non, mais en gros, on n'est plus dans le même contexte, comment dire, le contexte économico-financier du cinéma en termes d'exploitation des comics au cinéma. Là, il y a quand même là, cette année-là, c'est clairement. Voilà, on est en train de vivre le début. C'est une guerre annoncée entre DC Comics et Marvel en termes de programmation au cinéma. Donc c'est pas possible. Il y a tellement des enjeux économiques. C'est parce que nous aussi, on veut savoir, on veut tout. Non, mais enfin, ça arrive. Je peux pas passer à côté. Moi, nombre de potes qui sont pas trop intéressés par les comics et tout ça. Voilà, qui aiment sans plus, qui s'intéressent pas à l'actu. Même eux, je sais très bien qu'ils sont pas du tout comme moi. Ils me disent, eux, ils en ont marre d'en entendre parler sans arrêt. Ils en ont marre qu'il y en a trop, mais ils vont pas savoir ce qu'ils vont pas. Par exemple, Spider-Man va être dans Civil War. Ils vont pas, je sais pas, ils vont pas savoir tous les trucs que nous on sait parce qu'on a vu. Mais quand t'as des trucs qui font le buzz, c'est difficile de passer à côté. Ouais, hein. On va avancer un petit peu. Ouais. On va parler du point Martha parce que clairement, on a eu un point Martha dans ce film-là. Le quoi? Qui est plus intelligent. Le point Martha. Qui est Marie dans ce cas-là. Ah, j'avais d'accord. Oui, le point Martin. Oui. Parce que on a atteint encore le point Martha dans ce film-là et ça m'a un petit peu déçu, franchement. Mais parce que tu gueule, tu as tué nanan. Ben, c'est pas très quel âge, t'en as 40 ou 12 ans. Mais non, il a vu devant les yeux. Oui, mais c'est... Enfin, certes, je comprends, mais pour moi, c'est vouloir casser le pistolet et d'arrêter le meurtrier, quoi. Enfin, c'est ça, j'ai trouvé ça d'une facilité absolument pas subtile. Encore une fois, c'est le visuel qui change tout dans cette scène. C'est que si on lui avait dit, il a tué, il était soin, ce serait pas passé pareil. Mais le fait qu'il le voit en train de le tuer, et que au final aussi quelque part il y a une sorte d'animosité qu'il avait au début, qui était en train de se calmer parce qu'il se rend compte qu'au final ce n'était pas lui qui avait tué le roi Tsaka, et le fait encore une fois qu'il voit le mec en train de, t'as vu comment il fracasse la tête du père de, oui, non, mais c'est hyper violent, on est d'accord, c'est hyper violent, et sa mère qui mais bien sûr, même si encore une fois sa mère il aime et tout machin, il la voit en train de se faire étrangler. C'est pas pareil, on peut pas comparer ça avec ce qui se passe. Même, il oublie, tu perds toute logique. Encore, on va revenir encore sur l'affectif, mais il perd toute logique. Il sait que c'est pas lui, mais ça ne veut rien dire. Il faut qu'il le venge. Non, mais ça, on est d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Avec le fait qu'effectivement, à un moment, il voit plus rien d'autre que sa rage et ok. Mais, ce qui m'emmerde, c'est encore, quoi. Je suis désolé, moi quand je regardais ça, quand je voyais les caméras, je montrais, en plus il y avait ce truc là où il passait en caméra de surveillance et en caméra réelle, en gros en image normale. Mmh. Et ça, franchement, je ressentais, au fur et à mesure que je voyais, je me dis, oh non, ça va déclencher quelque chose là, oh non. Et tu sens là, tu vois la détresse de Captain, parce que tu vois qu'il est en train de perdre Tony et que ça va virer très mal, parce qu'il venait de se retrouver, de se réconcilier, et il venait de l'accepter. Non, bah, tu vois, même si ça paraît peut-être une facilité scénaristique, c'est une facilité scénaristique, mais c'est un truc qui se comprend, qui s'accepte. Le seul truc intéressant là-dedans, c'est le lien que ça a avec l'histoire du MCU, parce qu'on sait depuis quelques films maintenant, depuis Winter Soldier, que c'est Bucky qui a tué le père de Tony Stark. Du coup, on a réutilisé ça. À la rigueur, ça c'est intéressant. T'as un peu anticipé ce que j'allais dire. Moi, j'aurais préféré qu'on ramène ce sujet-là à travers, par exemple, que Tony Stark découvre une archive comme quoi c'était indiqué qu'il soit décédé, enfin que ses parents avaient été tués, plutôt et lié au Winter Soldier, plutôt qu'on nous sorte le coup de la mer. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus subtil et moins bateau, moins simple, moins facile. De quoi? Il détestait son père. Non, mais là où oui, c'est pas la question. Mais il aimait sa mère, et là où moi ça me gêne un peu, c'est que quand même on a vu ce dossier dans Winter Soldier. On a vu ce dossier avec les exactions du Winter Soldier et on le sait. On a vu ces coupures, etc. On l'avait compris que le Winter Soldier avait tué le père de Tony Stark. À un moment, si le traumatisme est si important pour Tony. Comment? Non, Tony ne le savait pas, il ne non, savait justement, pas. Justement, comment il fait pour ne pas l'avoir découvert? Mais oui. Tous ces documents sont balancés par Natasha Romanoff à l'issue de Hydra. Ça aurait plus d'impact, et pour le coup, moi, ça m'aurait beaucoup plus plu que Tony Stark découvre aussi à travers les documents d'Hydra que de nous faire le coup de la mer, quoi. En tout cas, qu'il le découvre avant plutôt que de faire finir le film sur un truc. Que faire finir le film sur ça, honnêtement, moi j'arrive à 20 minutes de la fin. J'ai quelqu'un qui défend son pote, qui est lié par l'amitié, quelqu'un qui défend, qui veut venger sa mère, qui est lié par l'amour maternel, et les deux, ils sont tous les deux en train de se mettre sur la gueule pour défendre quelque chose. Papa, oui, non, d'accord. Est-ce que je peux terminer ce que j'allais dire? Parce que j'ai pas pu terminer. Tu m'as coupé. Je voyais le film défiler, on arrive à 20 minutes. Je savais qu'à Iron Man et Captain America et Bucky allaient se foutre sur la gueule un instant. Enfin voilà, une scène qui n'était pas encore dans le film. Je dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour nous trouver ce prétexte-là pour que Captain America et Bucky se battent ensemble contre Iron Man? J'attendais, enfin, t'as le temps le truc, quoi. Puis là, ils te balancent ça le coup de la mer. Tu dis, non, mais. Enfin, mais merde, les gars, quoi, vous auriez pas pu faire un peu plus subtil et éviter de nous balancer un cliché comme ça? C'est pas parce que c'est. je reprends exactement ce que dit Mathieu, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pas parce que ça paraît logique que c'est une bonne idée. Tu peux très bien avoir d'autres trucs, des bonnes idées, qui sont quand même bien plus inventives que ça et qui sont bien plus profonds que ça. Et enfin, pour reciter, je serais plutôt d'accord avec Mathieu dans le sens où plutôt, ça, je trouve que sa situation est un peu plus logique dans le sens où il dit comment ça se fait que Tony Stark n'ait pas pu apprendre avant, mais que ce fait-là soit déclencheur, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, Mathieu, bah, moi, le fait que ce soit déclencheur est inadmissible parce que il aurait dû le découvrir avant si vraiment c'était si important que ça pour lui. Oui. Ils peuvent pas non plus tout planter. C'est qu'une petite incohérence à côté de plein de trucs. Enfin voilà, on va pas passer 3 heures dessus non plus. La mort de Peggy, quelqu'un l'a abordé tout à l'heure. Effectivement, c'est peut-être un élément important aussi de, en tout cas pour expliquer la radicalisation entre guillemets de Captain America. Ouais. Parce qu'il y a quand même cette perte tragique. Moi, en plus de le voir pleurer, je crois que c'est la première fois qu'on le voit pleurer, ça m'a fait un petit quelque chose. C'était hyper bien joué, je trouve, ce moment-là. Oui. De la part de Chris Evans. Enfin, ouais, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans cette scène. Et puis le discours de Sharon qui, du coup, éveille chez Captain America cette espèce de. Complètement. Bah, ça y est, là, cette fois, autant avant, il pouvait avoir son avis, être opposé aux accords, être un peu modéré, etc. Mais cette perte conjuguée au discours de Sharon. Et ben voilà, ça le fait partir complètement du côté où là, ben voilà, il va passer underground, outlaw et compagnie. Et il fallait quelque chose aussi pour qui, parce que Captain America, pour passer hors la loi, il lui manquait quand même un petit quelque chose. Oui. Puis quand là, tu dis, c'est important la perte. Tu veux dire dans le fait où, du coup, Bah, il perd un peu l'amour de sa vie Bucky, d'avant, quoi. Ah, je pensais que tu parlais par le fait que Bucky devient un peu le dernier dinosaure avec lui. Ça explique un peu plus le aussi, fait qu'il s'attache beaucoup plus à lui. Il y a aussi le fait que c'est le dernier rempart de son passé. Oui. Ouais. Après, je trouve qu'ils ont. J'étais un peu gêné par cette scène. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je sais pas. C'est purement subjectif. J'aurais voulu peut-être qu'ils s'y attardent peut-être après. Il y a beaucoup, et le film est très dense et il y a beaucoup de choses à balayer. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être dû s'y attarder peut-être davantage, peut-être la montrer avant aussi, avant qu'on voit l'enterrement. La montrer peut-être une dernière fois en vie. Je sais pas, il peut manquer quelque chose dans, j'ai pas l'impression qu'on ait rendu assez hommage à Peggy dans cette scène. Parce que c'était pas dans ce film-là qu'on lui a rendu hommage, c'était dans Winter Soldier. Le fait qu'on la voit pas vivante avant et qu'on la prenne par un texto de manière aussi brutale que Cap, du coup, ça nous impacte peut-être un peu plus. Parce que là, on se le prend aussi de plein fouet, quoi. Il y a pas un petit côté un peu prétexte. Je le savais puisque ça avait fuité, mais Je le savais pas du coup. Donc il y a pas un petit côté prétexte un peu aussi pour les amener en Europe pour du coup les rapprocher un peu plus de. Oui, bah aussi bien sûr, c'est pratique. Ouais, voilà. Oui, et puis si on va dans les détails, ils voyagent très très rapidement quand même entre les États-Unis, l'Europe, le Wakanda, le Nigeria. Et c'est la magie du cinéma. Oui, c'est souvent ce genre de problème. Là, tu l'acceptes pas. La magie du cinéma conjuguée à la magie de l'univers Marvel. Ça fait des miracles. Donc voilà. Pardon. Donc c'est l'histoire de Peggy. Et c'est bête, hein, mais de voir la photo de Elle Atwell, de Elle Atwell sur ce cercueil, j'y ai presque vu comme un au revoir à la série télé aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Je regarde pas. Manière d'enterrer le personnage et d'enterrer la série télé avec, parce que bah ça y est, elle est morte et bah on passe à autre chose et on ne reverra plus Alan Carter. Tristesse, parce que le personnage était tellement bien. Et je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de voir ce côté méta, de dire voilà, c'est chaud pour Peggy. Ouais. Parce que maintenant qu'elle est morte au cinéma, j'aurais du mal. Enfin, ça serait presque bizarre de la voir dans une série télé, même si ça se passe avant ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. Et même les audiences sont catastrophiques, donc tu la reverras pas. C'est une belle manière de conclure, voilà, sur grand écran. Voilà. Et puis de revoir Elle Atwell une dernière fois, du coup. Jeune en plus. Oui. Voilà. J'avais une dernière chose, je crois. Ah oui, voilà. On parlait de l'absence de conséquences. Et ça, moi, c'est hyper important. C'est le truc qui m'a peut-être le plus crispé. C'est pas possible d'aussi peu porter ses couilles que ça quand même. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est clair et net. Ils sont pas foulés. Il y a quand même un truc. Et c'est pour ça aussi que moi, la fin m'a beaucoup déçu. Et encore une fois, je n'explique pas, hein, mais j'ai adoré ce film. La fin non assumée, et pourquoi ? Mais pourquoi ils ne l'ont pas tué, Iron Man ? Mais c'est pas mieux ça qu'une fausse mort qu'on sent venir ou qu'on sait qu'il n'est pas mort et qu'on te le fait, on fait des obsèques pendant 15-20 minutes. Enfin, Amy, qu'au moins, il... bon, soit tu le non, suis, mais soit tu le suis d'accord pas. Avec, on te le tease tout le film qui va crever. Non, et au moment de le faire... L'impression, ah bah non. L'impression. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Mathieu, et ça résume parfaitement ce que je dis depuis le début et ce que je pense du film. C'est... Ils t'ont posé des enjeux, ils t'ont posé des choses, et ils ne sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Tu te dis... Bah en fait c'est quoi les conséquences, tu ouais, dis tout ça, tout ça pour ça quoi, parce que tu dis finalement ok Captain America rentre dans visiblement la clandestinité, il embarque d'autres personnes avec lui, mais tu dis enfin c'est mince quoi quand même pour des super héros qui sont foutus sur la gueule, qu'ont été hors la loi, et enfin il y a un... Non, en termes de encore, conséquences. C'est que pourquoi ils sont foutus sur la gueule, c'est ça au final. C'est oh, bah, ça va pas non, non. Mais... Désolé, non, la fin, c'est quand même une négation même de conséquences. Quoi. La fin, c'est Captain America qui envoie une lettre. La pionne hollywoodien. Oui, voilà, c'est un peu gênant. Captain America qui dit on s'appelle, hein, on ira poutrer du méchant quand il faudra. Quoi. Je veux dire, je m'en fous que personne ne meure. Une moitié de Civil War, c'est coupé à la hache en plein milieu et on te sort un happy ending en plus. C'est vraiment oui, dommage. Cette lettre de Captain America, moi je la trouve hyper touchante, hyper bien. C'est super que le film se termine sur cette lettre. Ah oui, je suis d'accord avec mais toi. Imaginez s'il lisait cette lettre alors que Cap était mort. Mais voilà. Oui, moi je m'attendais, honnêtement, moi je m'attendais à ce que. Enfin, s'ils seraient allés jusqu'au bout, c'est. Enfin, Civil War, quoi, on sait comment ça se termine Civil War. Civil War ne se termine pas par une mort. C'est après que Captain America meurt. Attention, il faut pas vous comprendre. Oui, c'est après, mais. Enfin, moi je m'attendais quand même. Enfin, au niveau des personnages, qu'il y ait quand même bien plus de conséquences. Et moi, ça m'aurait pas surpris que Captain America, bah voilà, il meurt suite à ça. Ça aurait beaucoup plus d'impact. Vraiment c'est que juste que il y ait pas un peu plus de six qui parlent, enfin qui se réconcilient tous là, on sait qu'ils vont se réconcilier, on sait que l'équipe va se reformer, mais ça ils auraient pu attendre que ça se termine sur une équipe un peu en lambeau comme ça laisse présager. Mais après j'ai parfois un peu l'impression qu'ils ne veulent pas déflorer Infinity War. Gardent parfois. Non, ils ont juste. Si le personnage historique doit mourir, ce sera dans Infinity War. Ouais, voilà, j'ai dit Civil War, mais pardon, je voulais dire Infinity War, j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Et vu que c'est en deux parties, tu auras sûrement à la fin d'Infinity War des équipes en cendres. Donc, j'ai aussi cette impression qu'ils disent oh, les gars, gardons quand même les munitions, faut qu'il y ait de la nouveauté pour le prochain. Je suis d'accord avec toi, après. Je rejoins complètement Mathieu. C'était le bon moment ils de Iron Man. En plus, ça permettait d'économiser 50 millions par film sur la suite, donc c'était quand même pas mal. il y avait et ce film sonnait quand même vachement comme un requiem de Tony Stark. Oui. Et il y avait presque une fin logique au fait qu'il meurt. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous l'annonçaient. Tu parles du picotement dans les bras. J'ai vu ça. Déjà, Oui, par exemple. Ah, oui, puis il y a d'autres choses aussi. Il se retrouve tout seul. Il y a plus. Enfin, il y a énormément de choses qui auraient en plus des conséquences hyper lourdes après pour la suite, notamment pour Cap. C'est un pétard mouillé. C'est moche, quoi. C'est dommage. C'est ça, ouais. Il y avait du potentiel. Je redis encore ce que je disais au début. Pétard mouillé, il y avait du potentiel. Il y avait des bonnes bases. Et parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur idée, bah voilà. C'est pas un dommage qu'un film qui s'appelle Civil War n'ait pour seule victime une vieillarde de 90 ans. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. On a vu dans trois films pendant 5 minutes. Encore 5 minutes, t'es gentil. Voilà un quand même qui perd ses jambes, les gars, vous êtes durs. Oh non, ouais, enfin, il les récupère indirectement. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est vraiment la grosse critique qui m'a un peu. Même pas, j'ai pas boudé, c'est quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, ça aurait été bien qu'ils aient un peu plus des couilles, qu'ils se barrent un peu plus au bout. Mais non. Mais voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil à Bucky qui perd son bras pour la deuxième fois de suite. Oui. Comme tous les personnages dans Marvel. C'est quand même deux fois de suite où c'est Bucky. Mais on n'a pas parlé aussi des petits caméos de Community là. Moi je trouvais ça génial. Le Dean. Le direct, ouais, le Dean. Honnêtement, j'en avais rien à foutre parce que je le savais pas. Ouais, mais non, mais, pas, mais moi quand j'ai vu, j'ai dit ah merde, putain, c'est trop. C'est trop même bah, c'est intéressant. Juste parce que les frères Russo ont réalisé beaucoup d'épisodes de Community. Il y avait déjà un acteur de Community dans Winter Soldier. Tout comme Afre Woodard qui est là et qui va être dans la série Luke Cage. Oui. Donc j'aurai-t-elle le même personnage ou pas? Là, il y a quelque chose qui se joue clairement au niveau de la scission univers télé, univers cinéma. Si elle ne joue pas le même personnage. Ça va être difficile de nous défendre l'univers unique. Oui, déjà qu'avec Agents of S.H.I.E.L.D. c'est compliqué. Donc, et là, cette fois, ça pourrait marquer la vraie apogée de la guerre des égos. Juste pour aller plus loin, vite fait, ce qui sera intéressant, parce que tu parlais de l'univers unique, on le saura très vite s'il y a vraiment tant que ça un univers unique. Avec s'il va avoir des conséquences vis-à-vis d'Agents of S.H.I.E.L.D. Bah ça, on le sait que ça va être annoncé. Oui, il y a des conséquences, ils l'ont dit. Il y en a toujours avec les films. C'est surtout l'inverse qui serait intéressant, que les séries aient un impact sur les films. Mais moi, à prouver que non, l'univers partagé, c'est du pipeau. Mais je vois venir gros comme une maison que genre c'est Coulson qui allait déposer le Quinjet dans le hangar de. Non, en fait, ils ont spoilé le lien entre les deux. Donc, lisez-le. Ils ont spoilé dans les synopsis des prochains épisodes. Ah, tais-toi. Chut. Ouais, je veux pas savoir. Donc, voilà, si on va dans le caméo aussi, on a un des frères Russo qui joue le mort. Ouais. C'est toujours des petites choses sympas, c'est clair. Dernière chose, avant de terminer, donner nos notes, on était déjà beaucoup trop long, j'ai avoir des heures et des heures de montage là-dessus. La place de ce film-là, quand même, qui a quand même une place importante, qui conclut une trilogie sur Captain America. Est-ce que, voilà, je vous pose toutes les questions en vrac, vous répondez s'il vous plaît rapidement. Est-ce que ce film-là, pour vous, conclut bien la trilogie Captain America? Est-ce qu'il ferme le chapitre de l'ère Perlmutter, ou est-ce qu'il est un bon film d'ouverture pour une phase 3, puisqu'a priori ce serait le film d'ouverture de la phase 3? Voilà, ça, au niveau de sa place dans le MCU, comment vous le sentez? Oui, c'est un bon film de conclusion pour la trilogie de Captain America. La pas fin, je trouve. L'histoire de Bucky et compagnie est pas. Et ouvre encore plus et pose encore plus de questions que n'en apporte. J'allais juste dire un truc pour expliquer pourquoi je considère que ça clôture relativement bien la trilogie de Captain America, tout simplement parce qu'il y a, même si effectivement ça ouvre des choses par rapport à Bucky qui peuvent être agaçantes ou non, ça c'est selon chacun, il y a quand même un changement de, on va dire, de statut, entre guillemets, pour Captain America. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui se clôt du côté de Captain America. Donc déjà premier point, et c'était quoi ta deuxième question, Mathieu? Par rapport au reste du MCU. Après, il y a tellement de, enfin. Parce que pour moi, par exemple, je vais t'expliquer pourquoi je pose la question, c'est que pour moi, ce film-là, c'est vraiment la fin d'une époque. C'est vraiment la fin de l'époque Robert Downey Jr., Chris Evans et compagnie, et on a l'arrivée. Trois nouveaux personnages dans ce film-là qui crèvent l'écran, qui volent le show, et que maintenant on a envie de voir dans la suite. C'est Ant-Man, c'est Black Panther, c'est Spider-Man, et on a une nouvelle génération qui arrive. Du côté fun aussi des super-héros, où le premier Avengers c'était vraiment que du fun, tu sens qu'il. Il s'amuse aussi beaucoup, il combat les chitouris, mais on sent qu'il s'amuse aussi beaucoup. Et là, c'est quand même la fin d'une ère un peu plus légère du MCU. Même si ça reste toujours très léger avec beaucoup d'humour, et on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a encore beaucoup d'humour qui m'a parfois gêné, mais ça reste, il y en a quand même moins que dans les films précédents, et dans ce sens-là, ça termine une certaine ère, mais ça ne conclut absolument pas la trilogie Captain America. Non, mais ça ouvre et ça ferme. Je sais pas si ça ouvre pas, enfin ça ouvre certainement pas parfaitement la phase 3, mais ça ouvre la phase 3 pour certains points, pour la nouvelle génération qui arrive. Effectivement, ça ferme la phase 2 parce qu'on sent qu'il va avoir quand même un avant et un après. Vas-y. Après, est-ce que, enfin voilà, je pense pas que eût été la meilleure conclusion pour la phase de. Enfin, si je me répète encore, comme il y a tellement pour moi de problèmes sur ce film que voilà, je suis très partagé. Après, si on se dirige vers un Secret Avengers qui ne dit pas son nom dans Black Panther, etc., effectivement, on aura vu un film qui aura ouvert beaucoup de choses, c'est encore peut-être tôt pour le dire. Mais ne serait-ce que sur le passage de témoin, il y a quand même pas mal de choses qui se font là. Et puis, fin d'une trilogie Captain America, moi je trouve quand même dans une certaine forme que voilà, la boucle est bouclée avec une espèce de miroir de Bucky qui se trouve congelé. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de quelque chose qui se tourne aussi pour Captain America. Et ou alors oui, peut-être que ça aurait été plus marqué si on avait eu un nouveau porteur du bouclier à la fin du film, mais le fait qu'il lâche son bouclier, parce qu'il y a quand même ça marque aussi une fin, c'est quand même une évolution hyper importante et qui marque la fin de cette trilogie, c'est il pose le bouclier. C'est joli ce que tu dis. Leur manière de conclure, que ce soit pour le MCU ou pour Captain America, est relativement efficace, même si le film a des défauts, part un peu en vrille, parfois c'est pas trop où il doit se situer, etc. Dans le sens de Captain America, en effet, le fait que Bucky, qui est quand même au centre de deux films sur trois et qu'on avait un peu introduit dans le premier film, bah c'est fini, c'est bouclé, il est congé. Bon, Steve Rogers passe définitivement dans la clandestinité. Donc, il y a une fin du personnage de Captain America en tant qu'il s'est un petit peu émancipé, indépendantisé, par rapport aux Avengers et par rapport à lui-même, à son propre statut, qui est plus d'être un espèce d'outil de propagande de base, mais maintenant de devenir quelqu'un qui se bat pour ses propres convictions. Et du point de vue du MCU, c'est clair que quand tu vois ce que ça a mené, notamment du point de vue du combat entre Robert Downey Jr. et Chris Evans, entre Captain America et Iron Man, c'est clairement la fin d'une époque. Avant, même s'ils avaient des désaccords, même si dans Avengers 1 déjà ils avaient des désaccords, bah pas autant, pas aussi profond, et notamment lié à leurs propres intérêts, que là où ils en sont arrivés à se mettre sur la gueule, où Captain America a clairement choisi son pote face à Iron Man. Donc pour le MCU, c'est sûr que c'est la fin d'une époque, ça finit des choses, ça en introduit de nouvelles. Après, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Comment est-ce qu'ils vont amener ça? Ça va être leur gros, gros défi, parce qu'ils ont vraiment fait changer de dimension et au MCU et à leur film et à leur personnage. Cette lettre, du coup, ça me fait penser à cette lettre du coup, que Cap adresse, voilà, quand il lui dit si t'as besoin de moi à un moment ou un autre, je serai là. Moi, j'entends, t'auras besoin de moi dans Infinity War, appelle-moi et c'est à ce moment-là où je reviendrai. Ouais, et je pense aussi. Et aussi par rapport au fait, on disait, c'est que là, Iron Man, il est totalement reposé, il est totalement logique. Il est dans un état normal, donc du coup, il est plus réceptif à la lettre ou à ce que Captain America dit. Et il comprenait aussi, peut-être que je suis un peu allé, peut-être j'aurais pas dû aller aussi fort ou aussi loin. Puis on se trouve avec une équipe d'Avengers qui maintenant, a priori, est dirigée par Iron Man, puisqu'il est dans le bunker, il est dans le hangar, okay, là, dans le nouveau QG, alors que Secret Avengers va se former plutôt autour de Steve Rogers. Voilà. Et puis dans cette histoire de passage de bouclier, il y a quand même quelque chose que j'ai encore ni lu ni entendu, encore j'ai écouté que très peu d'avis. On a d'un côté un personnage qui lâche le bouclier, et je sais pas si vous l'avez vu, mais au tout début du film on a un personnage qui porte un bouclier, et je trouve l'utilisation des ailes de Falcon pour se faire un bouclier en forme de triangle qui est le bouclier historique de Captain America, j'ai trouvé ça aussi symbolique très fort. On a un nouveau Captain quelque part, voilà, il porte un bouclier alors que l'autre le lâche à la fin du film. Et je serais pas surpris de voir plus tard un Falcon du coup devenir Captain America pendant que Steve Rogers est un peu undercover, etc. Bah, surtout que le dernier plan de Steve Rogers, c'est il regarde Falcon comme ils sont allés, les deux sont face à face, il vient pour je sais pas. Ça peut être aussi, peut-être c'est pas bête ce que tu dis. Et du coup, je sais pas si le fait qu'il s'est fait un bouclier avec les ailes, enfin, il y a quelque chose quoi, dans. Ouais, mais je pense que des fois, toi, tu vas chercher un peu loin. C'était même dans le trailer, parfois, ça m'avait sauté aux yeux. J'ai pas voulu le dire à cette époque-là, mais je l'avais vu déjà dans le trailer. C'était présent ce truc-là. Ouais, t'as parfois un peu l'impression de, tu veux un peu voir parfois certains trucs. J'ai déjà remarqué. Après, même si ce film-là est un film de divertissement, etc., je peux pas m'empêcher de penser, et c'est peut-être mon côté un peu utopiste, qu'il y a eu des messages qu'on voulait nous être donné, il y a une symbolique qu'on a voulu nous montrer malgré tout, et que du coup ça en fait partie, et que tout ça conjugué à la place de l'humour, parce que la place de l'humour elle est pas du tout gênante, c'est peut-être la première fois dans un film Marvel Studio, je trouve toutes les plaisanteries, toutes les blagues entre guillemets, au bon moment, bien écrites et efficaces. Amen. Ça, c'est clair. Bah putain, pour une fois, on est totalement en désaccord. Et moi, je suis totalement d'accord avec à chaque fois qu'il y a les blagues. Parce que peut-être qu'aussi, c'est peut-être, il n'y a peut-être pas la Pat Whedon derrière tout ça qui te manque peut-être toi dans cette présence de l'humour ou je sais pas quoi. Il y a une manière de l'écrire, de le placer, etc. Je sais pas. Moi, ça a fonctionné sur moi. Après, tu vois aussi qui fait des blagues parlant qui se mettent par exemple sur le tarmac. C'est Ant-Man, c'est Spider-Man qui sont pas vraiment au courant des enjeux. Bon, tu peux peut-être un peu dire Scarlett Johansson et Hawkeye qui se font une petite blague au moment où ils se battent. Hein. Mais bon, ils ont été formés à être dans des situations mais vraiment vraiment galères. Et quand même rester maître ou garder leur sang-froid ou rester toujours garder leur proximité, donc ça peut se comprendre. Mais après, c'est comme je dis, c'est Ant-Man et Spider-Man qui te font des blagues à tout va parce que eux ils... Mais là ça marche, même sur Ant-Man j'ai beaucoup de mal, avec Spider-Man ça marche bien, mais il y a plein de moments où je trouvais que ça ne marchait pas. Et surtout, ce qui illustre le plus pour moi, c'est cette scène qu'on a déjà parlé tout à l'heure, de la voiture. On va pas revenir dessus, ça illustre complètement ce que je déteste, l'humour dans le film, film. Mais je sais pas, ça tombe à plat, c'était pas le film pour le faire avec un sujet pareil. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que avec les temps morts, c'est-à-dire, moi, il y a un temps mort, c'est pas une tension continue. Et là, je sais exactement. C'est exactement le Il aurait dû couper un quart d'heure de film, il dure trop long. J'ai pas regardé la montre une seule fois, j'avais même pas la notion qu'on arrive à la fin ou quoi que ce soit, j'étais juste accroché dans ce truc-là et je l'ai vu de bout en bout sans décrocher les yeux de l'écran, et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé sur une adaptation de comics. Moi, j'ai regardé une fois. Tu m'aurais dit, mec, t'es reparti pour 2 heures. Ok, ouais, ok, d'accord, c'est bon, on y va. Moi, j'ai regardé une fois, mais juste pour être sûr qu'il en restait encore, en priant, pitié, fait que ça fait juste 30 minutes que je suis dans la salle. En espérant qu'il y ait encore plus de temps. Et pourtant, j'ai quand même apporté beaucoup d'eau dans le moulin des critiques de certains défauts, etc., énormes, etc. Et pourtant, j'ai adoré ce film. Je ne l'ai pas décroché pendant 2h30. Et j'aurais même pu continuer encore pour 2 heures. Ça ne m'aurait même pas gêné, entre guillemets. Quoi. Ouais, ok. Après, j'ai beaucoup fait l'avocat du diable en montrant tout ce qui n'allait pas dans le film, mais en soi, même si je trouve qu'il y a un quart d'heure en trop, je me suis pas ennuyé pendant le film. Ça reste un divertissement que j'ai trouvé correct, disons, même si c'est pas le film que j'attendais avec un film Captain America Civil War. J'attendais quelque chose qui était fondamentalement différent. Et de ce côté-là, j'en suis extrêmement déçu. Mais en soi, ça reste un film Marvel calibré comme ils ont pu faire précédemment, qui marche plutôt bien. Les deux Captain America précédents, je les ai plutôt bien aimés. En soi, il y avait un petit quart d'heure en trop, mais ça m'a pas empêché non plus de prendre mon pied. Pour comparer avec le même type de film long, BVS dure la même durée, et j'ai trouvé pareil qu'il était un petit peu trop long, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Là, pareil, j'ai trouvé qu'il était un petit peu long, mais j'ai pensé à un moment correct devant le film. Mais en soi, il m'a pas marqué et laissé un souvenir inoubliable comme avec vous. Surtout que je retiens très peu de scènes marquantes et que j'étais déçu dans mes attentes par rapport à l'histoire. Mais en soi, c'est pas non plus une catastrophe industrielle comme mes commentaires peuvent le laisser entendre. Je sais pas. Quand tu comprends par exemple par rapport à BVS. Ah non, stop BVS, j'en veux plus de BVS. Moi je comparais juste pour la durée. En plus, les propos d'Arnaud ont amené la transition parfaite pour conclure. Stop BVS. Ce qui du coup nous amène à la dernière chose, et cette fois on va vraiment s'arrêter, ça va bientôt faire 2h30 et c'est beaucoup trop. Messieurs, votre note sur 5, donc on va savoir ce que vaut un moment correct, comme le dit Arnaud, sur 5. Votre note sur 5, une petite phrase éventuellement de conclusion, et comme on le fait à chaque film du Marvel Cinematic Universe, et maintenant la liste commence à être très longue, où est-ce que vous le situez en niveau d'appréciation par rapport au reste? Et bien, d'ordre alphabétique, comme d'habitude, Arnaud. Je suis bien embêté avec tout ce qu'on m'a dit ce soir. Parce que quand j'ai écrit ma critique, je lui ai mis 6 sur 10. Donc en théorie, je devrais y donner 3. Mais depuis, j'ai plus réfléchi, parce que j'ai écrit ma critique un peu sur le coup. J'ai plus réfléchi dans les semaines qui sont venues, avec tout ce qu'on a dit ce soir. Donc j'hésite entre le 2,5 et le 3. Et je ne sais pas, puisque comme je viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé, comme je l'ai dit pendant ces 2 dernières heures, même si j'ai passé un moment correct. Dans mon souvenir, je crois que j'avais mis 3,5 ou 4 à Winter Soldier. Bon, je vais rester sur ma première impression et lui mettre 3. Et par rapport au reste du MCU, du coup, rapide? En dessous des Captain America précédents, supérieur à la plupart des autres films, Iron Man, Thor, Avengers 2, et inférieur à Avengers 1 et aux Gardiens. D'accord. Donc, à la moitié, disons. Et toi, Clément? Moi, je serais comme Arnaud, j'hésite aussi entre 2,5 et 3. Mais compte tenu de tout ce que j'ai dit, et que j'ai quand même si hein, je suis comme Arnaud, même si j'ai beaucoup critiqué le film, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont de plus, mais je me suis pas ennuyé, hein, loin de là, c'est un très bon divertissement, tu te vides la tête pendant 2 heures et demie. C'est voilà, c'est sympa, mais après objectivement, comme il y a vraiment des choses qui m'ont déçu et j'aurais aimé voir d'autres choses, je vais mettre ouais non, je vais mettre 2,5 Et parce que j'ai pas l'enchaîne envie de déjà. mettre 3. Et toujours J'ai pas envie pareil de mettre par rapport au MCU. alors clairement inférieur à Captain America Civil War non, Winter merde, Soldier. Winter Soldier. J'avais quand même préféré le premier, donc aussi inférieur au premier. J'ai préféré les gardiens aussi, parce que c'est... Voilà, Bah, j'avais... t'as qu'à dire c'est le plus pourri, c'est bon. Non! Non, non, objectivement, enfin, tous les Iron Man, je les trouve... Enfin, Iron Man 1, il est chiant. Oh Avec là leur là là plan là. La d'action. liste des 14 non plus. Bah ouais, c'est on est Non, mais complètement. alors, en En gros, c'est gros... à peu près comme moi. T'as Ouais, adoré c'est un peu... les Gros, c'est pas Gardiens dans et ton Captain top America 5, et alors. les Thor et Thor et Iron Tu le Man, tout mets ça, donc c'est en dans dessous. le ventre mou. Voilà. Voilà, comme moi. Ouais, non, au milieu, quoi. Enfin, Et c'est toi, pas... Irish? Bon bah moi je vais mettre 4,5. Parce Ah, que vache. je vais pas faire plaisir à Clément, mais le Inner Boy. Ensuite, pour le situer dans le Marvel Universe, moi je le mettrai en deuxième position, derrière le premier Avengers. En troisième position, j'hésite entre Cap 3 à 4, entre Cap 2 et les Gardiens. Bon, j'avoue que moi j'avais adoré les Gardiens au cinéma, j'avais beaucoup moins aimé les Captain 2 au ciné, mais après le deuxième visionnage, j'avais trouvé juste génial. Donc moi ouais, je mettrais donc Avengers 1, Civil War, Guardians of the Galaxy et Winter Soldier. Ce qui est un top assez inédit et intéressant, ma foi. Léo? Honnêtement, vu ce que j'en attendais, vu ce que je voyais, vu tout, j'étais pas prêt de lui mettre plus de 3,5 parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit brillant. Je m'attendais éventuellement à une bonne surprise et à ce qu'il soit un petit peu plus fort que ce que j'ai vu là. Donc, mais comme il reste un peu le cul entre deux chaises, mais que voilà, il est quand même, enfin, il y a quand même quelques idées. Moi, je vais lui mettre 3,25 pour être complètement précis par rapport à mon état de pensée, quoi. Entre 3 et 3,5, parce que 3, ce serait dire que c'est une grosse Ah, dans déception ce et. cas-là, moi je mets 2,75 si je fais pareil le cul entre deux chaises. Après, dans le MCU, ça aurait pu être un film largement au-dessus de la moyenne de tout ce qu'on a vu. Faire une espèce de rivalité avec les Avengers dans la force des sujets triplés, la force du film, tout ça, bon. Ça aurait pu être vraiment au-dessus de la moyenne. Ça l'est pas tant que ça au final. Ça l'est un peu plus, quoi. Donc, bon, après chez les Captain America, bon, bah, j'en garderai probablement un plus gros souvenir que les deux autres, mais pas plus que ça, quoi. C'est un film Marvel, un peu au-dessus de la moyenne, pas assez par rapport à ce qu'il aurait pu apporter, selon moi. Ok, Bon, c'est ça la vie qui compte alors? je vais sans complexe lui mettre 4 sur 5. Ah. Parce que j'ai passé un super moment. Enfin voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti en souriant d'un film de comics, donc merci. Parce que Spider-Man, parce que Black Panther, parce que Nouvelle Génération qui arrive, qui est censée hyper prometteuse. Voilà, c'est un film qui a réussi à me... qui a presque réussi à me faire rêver, quoi, en fait. Et du coup, c'est quand même, c'est quand même la première chose que j'attends quand je vais voir un film, quoi. Alors après, oui, je suis hyper conscient des défauts. Je suis hyper conscient des défauts. Mais le bon moment que j'ai passé, les ont occultés. Donc c'est pour ça que j'enlève 20 points, parce que quand même, il y a les défauts. Mais voilà, pour moi, je mets un 4 sur 5 sans rougir. Et pour mon top de l'univers Marvel, bah, en fait, là, je crois que j'ai juste une hâte, c'est que ce film sorte en Blu-ray et que je puisse me faire cette petite trilogie de films Captain America qui, pour moi, prennent les places 1, 2 et 3. Quoi. Enfin, ouais. ils sont à milieu au-dessus des deux films Avengers. La Guardians of the Galaxy qui va arriver juste derrière. Mais pour moi, c'est trois films Captain America avec Winter Soldier en premier, parce que voilà, c'est mon préféré des trois. Et les deux autres à peu près à égalité, voilà, c'est mes trois films préférés dans ce MCU parce que ils proposent quelque chose qui moi m'a intéressé. On va s'arrêter là. Faites-vous votre avis, allez voir le film évidemment. Pour ma part, je vais le refaire ce week-end. Ce point-là. Parce que je veux voir. Parce qu'il y a quand même, cet effet sur moi qui est hyper bizarre, quoi. C'est que peut-être la première fois sur une adaptation de comics où le moment à porter et les étoiles dans les yeux et compagnie arrive à surpasser tous les défauts alors que je les ai vus et que j'en suis conscient. Donc je veux voir si en le revoyant une deuxième fois, ça marche encore ou pas. Et peut-être que là, tu vas peut-être y faire davantage attention. Et du coup, ça. Ça va peut-être te gâcher le moment. Du coup, ça m'intéresse de voir, et ça m'intéresse aussi de le voir en 2D, parce que... Ah oui, on n'a pas parlé de ça, je l'ai vu en 2D aussi. Moi, ouais. je l'ai vu en 3D, et sur la première partie du film, la 3D, elle est plutôt super belle. Mais ça a quelque chose. Et elle permet vraiment une immersion, pour le coup. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été vachement capté, et j'entends beaucoup d'avis qui disent que visuellement, il est quand même pas terrible, on voit beaucoup les fonds verts, etc., etc., La 3D va peut-être atténuer ça, donc c'est aussi pour ça que je veux le revoir. Et puis voilà. Donc faites-vous votre avis, allez voir ce film, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, sur Twitter, par mail, peu importe, comme vous voulez. Donnez votre note en commentaire, voilà. On les relaiera dans les mags et dans les prochains sur nos écrans éventuellement. En tout cas, voilà, c'est un film qu'il faut aller voir. Le prochain maintenant qu'on va commenter, bah, c'est dans 3 semaines et c'est X-Men Apocalypse. Ouais. Putain, j'avais complètement oublié, j'allais dire sur Suicide Squad. Donc, on se retrouve dans 3 semaines pour X-Men Apocalypse. On se retrouve avant ça, bien sûr, pour les 50 ans de Batman 66, pour les bilans de saison qui vont commencer à arriver très fort. Le premier sera le premier de la première série s'arrêter, hein, ça sera Supergirl forcément, et puis tous les autres vont suivre derrière. Donc voilà, là on est dans la fin de saison, on est clairement dans le rush jusqu'à la fin du mois de juin. On va vous proposer beaucoup beaucoup de bilans, etc. Merci de nous avoir écoutés aussi longuement. Je sais pas encore si je vais garder ce podcast en une seule partie ou en deux parce qu'il est définitivement trop long. On verra, vous le saurez au moment où vous allez écouter ces quelques phrases. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Donnez-nous vraiment notre avis. Ça m'intéresse en tout cas vachement de discuter avec vous. Voilà, j'ai quelques personnes qui m'envoient des commentaires en DM sur Twitter, etc. Mais faites-le aussi sur la page publique, hein, ça, au contraire, c'est sympa d'avoir ce débat. Surtout pour dire qu'Anon et Clément ont tort. Oh, gardez-vous votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Eric. Nous, on est ouvert à tout le monde. Tout le monde a raison. C'est pour ça que je suis encore dans ce podcast alors que j'aime Gotham, voilà. C'est ça. Preuve qu'on est très ouvert vers tout le monde. Moi aussi, je suis ouvert avec tous ceux qui sont d'accord avec moi. Hein. Et bah, si vous êtes ouvert. Avec tous ceux qui sont d'accord avec toi. J'ai envie de vous dire, si vous êtes ouvert, mettez-vous à quatre pattes, Clément arrive avec son point. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bon film, bon comics. À bientôt. Salut.